C'est fou. Le plan de cette semaine à Assemblage Requis, on craquera peut-être pour un autre produit de tiroir dans une grosse pointe tendresse et Tania nous divertira. Alors Tania, est-ce que tu as un cuisine? Assemblage Requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis pour la semaine du 16 mai 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Si, Tania, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas commencé avec la chanson thème de Venice Parietta remaniée par Ludwig Göransson. C'est vrai. Avec nous qui chante dessus, on l'utilise moins cet été. Mettons. Quel automne et à l'hiver? Disons que si on évalue ça sur une échelle de 1 à 10, je dirais que nos talents musicaux, surtout de chant, se trouvent peut-être à... Achetez-vous une pelle. Ouais, c'est ça. Moins 10, mettons. C'est ça. Bref, bienvenue à Assemblage Requis, à l'émission estivale en pièces détachées. On est ensemble pour les trois prochaines heures. On va avoir plein de chroniques ensemble à se faire. Des chroniques maison, surtout parce qu'on a un petit creux en termes de chroniqueurs. On avait... Marie-Christine Perra qui était avec nous aux deux semaines, elle nous prend un petit congé, elle va revenir plus tard à la fin de la session scolaire parce qu'elle est enseignante. Mm-hmm. Elle remplace à bien des places et c'est difficile pour elle de se libérer, donc on va la retrouver au mois de sûrement juin-juillet. Je crois que c'est ça finit en juin l'école, donc sûrement juillet. Oui, je pense que c'est ça. Bref, tout ça pour dire que toi et moi, on va être là ensemble pendant que tu réponds à des gars, c'est pas ça? Mais non! Ouais, je suis en train de nous faire une belle annonce sur Facebook. Ah, t'es fine, t'es fine. On a tellement de choses à faire. Ta chronique s'en vient plus tard dans l'émission. Mais oui. Tania, est-ce que tu as quoi de neuf cette semaine? Bien, écoute, je vais vous parler. Je sais que là, il n'y en a pas beaucoup. Puis durant les trois derniers jours, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais je vais vous parler du soleil. Oh, wow! Mais oui, parce que ça en prend. On aime ça. Et, sauf que là, on n'en a pas. Et c'est un peu... Ben, en fait, j'allais dire, c'est un peu moins déprimant que la semaine passée quand tu me parlais de dette et d'argent. C'est vrai. Mais finalement, il n'y en a pas de soleil. Fait que c'est déprimant, ça aussi. Mais non, parce que je vais en mettre dans votre vie. C'est du ça. Moins, je vais essayer. Génial. Super, merci. Bon, donc, Tania, plus tard, l'émission. Mes chroniques à moi, aujourd'hui, on va voir, c'est un fait, on a les instructions d'assemblage, c'est que ça devrait répondre là, et une grosse pointe d'adresse, nos classiques. Quand on a le temps de les faire tous, on les fait tous. Mais débutons en musique, parce qu'on aime ça, de la musique, dans nos palmarès. On a une nouvelle pièce de... En fait, c'est pas une nouvelle pièce, celle-là. Hein? Est-ce que c'est une nouvelle? Non, ce n'est pas une nouvelle. Par contre, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendue. C'est celle de... Dead Obies. Dead Obies. Avec Waiting. Oh, je n'attendais que ça. Assemblage Requis. Pour les trois prochaines heures. Restez. Stand by, c'est quand tu veux. Just let me get high, tant tu peux, man. J'prends mon temps, moi j'suis rendu vieux. Tu t'en crises, well, guess qu'on est rendu dedans. Ha, veux-tu bang? The fuck you mean, j'suis pas d'y aller. Matter of fact, I was born ready. Short stack, but the bird bread. It could do it all, they heard it. Trois yeux fermés, deux mains dans le dos. When I smoke that dope, why give a shit? I mean, kid, I'm done, et on show, we can talk money. Check the langage, parce qu'on m'en dirait dans le know. You my goodie, fuck you pay me. Cordialement bon, and I'm out like that. Keep you waiting, baby, you know how it goes. Twist a cigarette when I'm ready for the show. Whoa. Go de 0 à 140 km dans un Renault juste pour make it to the show. Then or no, and another egg sur le pouce. J'prends une pause, pis j'pense pas que personne sache anything for sure. I don't think they know, ouais, on s'en va for sure. They know, they don't know. No, ça que je fais rien qu'à ma tête pis que j'envoie chier la moitié de la planète talking about me quand je get sur le stage getting high comme la voix à Joe sur les midis pis la bise. Pis si t'attendais un message, je pense pas que t'es fini de perdre patience, mais si t'attendais pour l'album, désolé d'avoir fait attendre. I don't need to keep you waiting, baby, you know how it goes. Twist a cigarette when I'm ready for the show. Pour une paire de shoes, mon gars, j'pense j'suis fait pour être sous. Truce, roule, passe ici, mon gars, douce. J'prends du chest pour être pour. J'pense j'suis fait pour juste do it. Tant que m'donne et en show, tant me fasse pour. I'm in tant que donne et tu fuck, mon gars. Tant que trempe et le temps au couple, garde ce pour de me. I'm in tant me fucking enjoy, mon gars. 20-something, rolling the blunt, mon gars. Boy, you rock, callin' the sush. Boy, bear, ready to rumble, Morgan. Don't want yes, smoke the chest. Yes. Team bows, team dozen. Down the lodge, eatin' cooked the cheetah stoner. Yes, the stage, mon wing, is you eat. Vince, you prêt to battle the beat. Ça c'est vraiment nice, puis aussi juste l'intensité du flow. C'est très débile. J'aime vraiment leur intensité. Je m'attends genre à tous leurs nouveaux beats, là, puis genre, de leur énergie, genre les mosh pits, Tony Hawk, les gros beats, là, ils font juste tout. Je m'attends à ce qu'ils me décalissent la face. J'avais jamais vraiment pris le temps d'écouter ce qu'ils disent à la fin. Je ne sois pas vulgaire de même, Tania. La huitième fois. On t'a radio. Je vous jure que c'est pas moi qui parle sur cette trame. T'as pas de preuves. Moi, je l'entends ta voix. C'est à cause de l'enregistrement. C'est vrai, on dirait vraiment ma voix. On doit retrouver la fille qui enregistre. Absolument. On lance l'appel. Partout au Québec! Québec! Si tu te retrouves sur la trame sonore de Dead Obies, contacte-nous! 376-5183! Oh boy. 1-800, on n'a pas l'argent pour 1-800. Non, on n'a pas l'argent. Je confirme. Honnêtement, c'est de répondre à mes questions, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on parle. Je suis pas vraiment plus impliqué que ça, mais je voulais voir l'expérience. Deuxième fois que vous voyez Dead Obies en show? Deuxième. Deuxième. Je t'entends pas le oui des filles trop là. Toujours à Sommet Choqué, on vient d'entendre Dead Obies avec la pièce Waiting. Ouais. Boom. Boom dans ta face, bro. Maintenant, c'est la chronique C'est Affaire. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est Affaire. C'est Affaire. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est Affaire. C'est Affaire. C'est Affaire. C'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables à Assemblage Requis. On a tellement de choses à apprendre. On est une source inépuisable d'apprentissage. Incroyable. Incroyable. Donc, commençons par à la fin des années 1800. Okay? Il y a un babouin. Un babouin. Évidemment, un babouin, rien de moins. Qui était officiellement employé comme homme qui donnait des signaux là, au train, sur les chemins de fer. Ah, ouais. Ouais. Donc, il était payé en argent et en bière. Et il n'a jamais fait aucune erreur. Pour vrai? Aucune erreur, un babouin. À la fin des années 1800, on le félicite. Ovation debout. Oui. On reste dans sa famille, sûrement qu'il le connaît. Hein, tu sais, les racistes font souvent ça. Un autre babouin. T'es noir, tu connais-tu un autre noir? Ouais, mais tout le monde fait ça, hein. Ben, même non, si tu dis à quelqu'un que tu viens de Trois-Rivières, ils sont comme hey, connais-tu? Ben oui, toi. On est trois habitants. T'as raison, tout n'est pas du racisme. C'est ça. Donc, un orang-outan maintenant dans un zoo a été ramené dans les bois à Bornéo. Il a commencé à pêcher avec un bâton après avoir regardé les pêcheurs locaux. OK. Il a appris de lui-même dans la forêt. Un peu comme les enfants qui seraient adoptés par des babouins ou des orang-outans ou des peu importe, commenceraient à agir comme eux. Eux, la même chose, ils peuvent apprendre de nous. Et ils ont commencé à pêcher avec... En fait, un seul orang-outan a commencé à pêcher avec un bâton. Ah, oh, c'est si bien. On reste avec les animaux. La raison pour laquelle les chats et les serpents ont des pupilles verticales, c'est parce que ça augmente leur perception de la profondeur lorsqu'ils chassent la nuit. Effectivement. Ils ont évidemment des proies d'autres animaux, donc ils vont chasser les autres animaux. C'est pour ça aussi que les... en fait, c'est pour ça que les chats et les serpents ont des pupilles verticales. La raison pour laquelle les moutons ont des pupilles horizontales, c'est que ça leur donne une meilleure vue panoramique de leur environnement. Oh. Et aussi pour surveiller les prédateurs. Mon Dieu, je savais pas ça. Ben, tu vois, t'as raison. Tu m'apprends quelque chose, Mathieu. J'espère que je t'apprends toujours quelque chose à chaque semaine, Tania Baudin. À part quand on parle de perroquet. C'est le seul fait que t'as pas aimé. Mais en même temps, ma moyenne est mauditement bonne parce ouais, que j'ai 25 liens par chronique, des fois 30 par chronique. C'est vrai. S'il y en a un que t'as pas aimé depuis un l'automne. Sur 30, c'est pas super. Hein. À chaque semaine, il y en a un que t'aimes pas. Ben non, okay. C'est pas vrai. Moi, j'y allais sur la session au complet. Ouais, là-dessus. La okay, ouais. T'as raison. La peur de se faire enterrer vivant. Au 19e siècle, c'était tellement populaire qu'il y avait un brevet, en fait, à l'époque, pour un Life Indicator Coffin, donc un cercueil pour indiquer que t'étais toujours vivant dans le cercueil. Donc, tu tirais sur un levier et ça apparaissait, ça montrait au-dessus de la terre. Donc, c'est un Life Indicator for Coffins Patent, un brevet de 1882. Alors, on a un petit dessin sur assemblagerequis.com, un dessin de John Crickbaum pour sauver une personne accidentellement enterrée vivante. La personne faisait tourner un paquet de poignées connectées à un périscope, si on veut. Ça ressemblait à un périscope. Et puis ça montrait à la surface, ça révélait le mouvement. Il y avait aussi une façon de pousser le levier vers le haut pour permettre à l'air d'entrer dans le cercueil. Donc c'est un genre de cercueil sécuritaire, un safety coffin, qui était une invention populaire à l'époque à cause de la peur de se faire enterrer vivant. On n'a pas entendu parler, il n'y a aucun... compte rendu d'un appareil qui aurait vraiment sauvé une personne accidentellement enterrée. C'est triste. Ouais. Ben, ça veut dire qu'il y a peut-être personne qui était vivant, enterré vivant non plus. On sait pas. Une chance. Ensuite, George Danzig, qui était en retard pour un cours, OK? À un cours. Donc, le professeur avait écrit deux exemples de problèmes de statistiques non résolus. Il avait écrit ça sur le tableau. Danzig était certain que c'était deux problèmes pour un devoir. Donc, il les a écrits dans son cahier, peu importe. Et quelques jours plus tard, il est revenu avec la solution à ces deux problèmes-là qui n'avaient pas encore été résolus. Il s'appelle George Bernard Danzig, 1914 à 2005, un scientifique des mathématiques américain qui a fait des contributions importantes au domaine de la recherche, de la science des ordinateurs, de l'économie et des statistiques. Il est reconnu pour son développement de l'algorithme simplex, un algorithme pour résoudre des problèmes de programmation linéaire et ses travaux en programmation linéaire. Il est reconnu pour ça aussi. En statistique, il a réussi à résoudre, c'est pas mal la meilleure façon de le dire. Donc deux problèmes en pensant que c'était des devoirs du cours de Jerzy Neiman. En 1977, l'équipe de vol, l'équipe qui s'occupait des vols d'avions d'Aerosmith a fait l'inspection d'un Convair CV-240 pour l'utiliser potentiellement, donc il voulait savoir si on pouvait l'utiliser. Il l'a rejeté parce qu'il croyait que l'équipe... Ouais, donc c'est ça, Aerosmith a rejeté l'avion en disant que l'équipe et l'avion n'étaient pas aussi bonnes que nécessaires. Donc leur avion, en tant que tel, a crashé le 20 octobre 1977 à cause de la mauvaise maintenance. Ça a tué les trois membres du groupe Lynyrd Skynyrd. Donc Aerosmith avait refusé de participer à ce vol d'avion en trouvant que c'était pas assez sécuritaire. Et c'est ce que ça a donné, c'est Lynyrd Skynyrd, trois membres qui sont morts. On pense des fois que... À cause de Jurassic Park, du film Jurassic Park, on pense que les Tyrannosaurus Rex ne sont pas capables de voir quelque chose qui qui ne bouge pas. C'est le scénario dans Jurassic Park. On montre les dinosaures qui ne peuvent pas voir si quelqu'un ne bouge pas. En fait, c'est faux. Et une étude suggère qu'ils avaient même une meilleure vision que les aigles de nos jours et les faucons. Ouais. Ensuite... un certain presque Rain Man, tu connais Rain Man dans le film? Bon, donc presque Rain Man, en fait je pense que c'est même de lui qu'on s'est inspiré pour le film, Lawrence Kim Peek, qui était le seul savant qui était reconnu pour être capable de lire deux pages d'un livre en même temps, une page par œil. Mais non. Je te jure. C'est possible? C'est possible, c'est Rain Man. C'est fou. Une personne avec sûrement un trouble autisme ou autre. En fait, sûrement que ça doit le dire sur sa page. Non, mais là, on s'entend que là, à ce moment-là, c'est pas un trouble, c'est genre du génie fois mille. Ouais, ben c'est ça. C'est quelque chose qui mène à autre chose, en effet. Kim Peek, atteint le syndrome du savant et possédant une mémoire édétique. Qui a inspiré le film Rain Man, une mémoire eidétique ou mémoire photographique ou mémoire absolue et la faculté de se souvenir d'une grande quantité d'images, de sons ou d'objets dans leurs moindres détails. On a déjà vu des documentaires ou des reportages sur des gens qui n'étaient pas capables de rien oublier, donc qui avaient retenu tout depuis le début de leur vie ou depuis des décennies. C'est quand même assez fascinant du côté de la psychologie. Étant donné une mutation génétique qui a eu lieu au 18e siècle, aujourd'hui, il y a 38 personnes dans une petite ville dans le nord de l'Italie qui ne souffrent pas de cholestérol dans leurs artères. Ça les rend virtuellement immunisés aux maladies du cœur et aux crises cardiaques. Presque tous ces gens-là fument, mangent très mal et ne se soucient pas de la mort éventuelle. Donc, c'est une protéine mutante trouvée dans une famille qui élimine donc ce gras, ce gras-là. Cristoforo Pomaroli et Rosa Giovanelli ont eu un fils en 1780 dans leur petite ville en Italie. Ils ne savaient pas donc qu'ils allaient continuer ou débuter en fait, démarrer un changement génétique deux siècles plus tard. Les descendants ont hérité de ça. Donc tant mieux pour eux, 38 personnes. Ensuite, le gymnaste japonais Shun Fujimoto s'est déjà cassé le genou aux Olympiques de 1976, mais il n'a pas dit à personne, il a continué à faire sa compétition malgré sa blessure et a gagné la médaille d'or pour son équipe. Il est tombé sur le plancher, ça l'a tranché comme un couteau, mais il a gardé son équilibre en serrant des dents. Il a monté, il a levé ses bras dans les airs, il a fait une fin parfaite avant de tomber par terre en agonie. On lui a donné un 9,7, c'était la plus haute cote à avoir été enregistrée aux anneaux. À ce moment-là. C'est le plus grand record qu'il a eu, lui. Voilà. Ah, OK. Voilà. Ensuite, un homme nommé Forrest Fenn a caché 2 millions de dollars en or dans un endroit inconnu. Le seul indice qu'il a donné était un poème. Et jusqu'à maintenant, les gens se sont rapprochés et ils sont passés proches à presque 200 pieds du trésor, mais il n'a pas encore été découvert. C'est comme une charade pour trouver le 2 millions. C'est ça, c'est comme un genre de père fourra, mais... Peut-être que lui, il s'en souvient pas non plus, hein? Peut-être. Mais ça vaut pas mal plus cher qu'à Fort Boyard, 2 millions de dollars. C'est clair que oui. Il gagne combien? Quelques milliers de rien du tout, ils sont tellement chers. Je sais pas, hein? Les humains peuvent entendre la différence entre de l'eau chaude et de l'eau froide en train d'être versée. Hein? Et je vais te demander, évidemment, si t'es capable, toi aussi, de remarquer la différence. J'aime pas ça. Attention. Le verre 1. Le verre 2. Le 2, c'est chaud. Le 1, c'est froid. Attends un peu. On va voir. Lequel était chaud, lequel était froid? Le premier était froid, le deuxième était chaud. Est-ce qu'il y a la réponse dans la source? Attends un peu, je vais aller voir ça. Qu'est-ce que tu avais dit? Ça, c'est froid pour le premier. On était rendu où dans le clip son? Le clip, c'est tellement en haut de la page, attention. Ça, okay. C'est chaud. T'as dit froid pour le premier, 2 pour le chaud? Ouais. Froid pour le premier, 2 pour le chaud? Ouais. Donc, 80% ont réussi à comprendre que le premier était du froid et 90% ont détecté que le verre numéro 2 était du chaud. Boum! Donc, félicitations. Ça, c'est le 1. C'est du froid. Le 2. C'est plus creux comme son. Plus creux comme son, d'accord. C'est moins rond. Allez voir l'article pour savoir pourquoi on le sait sur assemblagerequis.com, parce que si on fait du surface, on n'enquête pas trop loin, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Il y a une raison biologique pour laquelle on n'est pas capable de résister aux yeux d'un chien. Oh. Le contact des yeux gardé pendant longtemps va augmenter les niveaux d'oxytocine chez les humains et les chiens, ce qui encourage l'amour, la confiance et le lien entre les deux. Cette réponse-là... on ne peut pas trouver cette raison-là, même chez les loups qui ont été élevés à la main. Donc, ce qui suggère que les humains et les chiens ont coévolué pour partager ce trait-là, pour devenir des compagnons. Un humain et un loup n'auront pas le même lien qu'un lien... N'auront pas le même lien qu'un homme et un chien. Ah, ou une personne et un chien. On se comprend? Oui. En 1958, il y a eu une expérience Bank of America, c'est une banque aux États-Unis. Tu aurais pas compris, sinon. Bank of America a envoyé à 60 000 résidents de la ville de Fresno, en Californie, une petite carte de plastique avec une ligne de crédit de $500 dessus. Bank of America s'est dit que si c'était un échec, il n'y aurait pas de couverture dans les médias parce que c'était à Fresno, une petite ville. Donc l'expérience a été un énorme succès et le programme est devenu plus tard Visa. Okay. Du crédit pré-approuvé ou du crédit qu'on peut avoir et qu'on doit rembourser ensuite. Aux États-Unis, c'est pas la même chose. Il me semble que le crédit ne fonctionne pas de la même façon. J'avais lu là-dessus, mais ça m'a complètement sorti de la tête. Mais c'est intéressant, la page Wikipédia sur le crédit en Europe et aux États-Unis versus le Canada où on vous donne vraiment de l'argent. Ouais, c'est ça, c'est différent. C'est ça. Je vais chercher celui-là sur Wikipédia pour vous dire exactement c'est qui. Mithridate VI. Mithridate VI, plus connu sous le nom de Mithridate le Grand en grec, est le fils aîné du pont Mithridate V et Vergette qui avait été l'allié de Rome lors de la Troisième Guerre punique. Okay? Donc le okay. Mithridate VI était tellement paranoïaque de se faire empoisonner qu'il prenait de petites doses de poison pendant toute sa vie pour se faire une immunité, ah! pour devenir immunisé. Lorsqu'il a été finalement capturé par les Romains, il a essayé de se tuer avec le poison, mais il n'a pas réussi parce qu'il était rendu immunisé. Ça a fonctionné. Ça a bien fonctionné. Bravo. Wow. Tu voulais accomplir quelque chose, tu l'as eu. Tu l'as eu, hein? À New York, dans la ville de New York, le Washington Square Park, avant, c'était une place où on enterrait les morts, un cimetière. Il y a plus de 20 000 personnes qui sont enterrées sous le Washington Square Park dans la ville de New York. Ah. C'est pourtant très, très beau en tant que tel. C'est un grand cercle avec une fontaine au milieu. Mais en dessous, il y a des corps morts. C'est le cas de dire. Voilà. À Londres, on a approximativement 10 000 renards. Ça fait 16 renards par mile carré qui se promènent dans les rues. Oui, oui. Alors, on les a appelés des urban foxes, des renards urbains. Il y en a même un qui a été retrouvé dans le Parlement en train de dormir sur un truc à tiroir. Là, comment on appelle ça? Un classeur. Les citoyens, typiquement, vont s'entendre avec ces renards-là. Ils le trouvent bien gentil, bien sympathique. Ça fait un peu comme des chats ou des chiens. Ouais, c'est ça, sauf qu'on n'a pas le même lien avec le renard que le chien non plus, j'imagine, comme le loup tantôt. Ah, clairement. Parce qu'on n'a pas coévolué ensemble. Forte possibilité. Les gladiateurs, ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Les gladiateurs se faisaient commanditer à l'époque. Pour vrai, les c'est sports, là que ça a commencé. C'est ça. Les gladiateurs étaient commandités dans l'arène. Ridley Scott, dans le film Gladiators, le réalisateur du film Gladiators, a préféré ne pas mettre de commandite dans le film parce qu'il trouvait que ça aurait sûrement l'air anachronique ou de pas fitter dans la période en tant que telle. Oh, ouais. Parce qu'on pense que c'est récent, mais ce l'est pas. Ah, mais si je me souviens bien, c'est... Pardon, c'est... Ils se faisaient commanditer leur équipement. Bon, c'est ça. Donc, on va lire un petit peu, il y a des détails. Donc, Ridley Scott voulait montrer la culture romaine plus précisément que n'importe quel autre film. Donc, il a engagé plusieurs historiens comme conseillers. Quand même, on a dévié un petit peu des faits historiques pour augmenter la continuité, pour maintenir une continuité narrative. Ça va, Tania? Ça va super bien. Et pour des raisons de sécurité. Elle s'est tout fait, Tania, pendant que je parle. Donc, Scott a aussi dit que c'était à cause de l'influence de précédents films qui affectaient la perception du public par rapport à la Rome antique. Certains faits historiques étaient trop incroyables pour les mettre dans le film. Par exemple, dans une des premières versions du script, les gladiateurs auraient eu des commandites dans l'arène. Ça aurait été historiquement précis, mais ça n'a pas été filmé comme ça pour pas que le public se pose trop de questions. Ça le dit pas dans l'article, finalement, si c'était l'équipement. Mais j'imagine qu'en tant que tel, c'est ce qu'on fait de nos jours. On commandite le joueur, sauf qu'en tant que tel, c'est, mettons, son habit que l'icône dessus. C'est ça. Le logo. C'est quel sport récemment qui a commencé à accepter les logos? C'est-tu la boxe? Forte possibilité, peut-être. Je crois que le logo n'a pas l'air d'avoir plus qu'il me semble, c'est 2 pouces de grandeur. Fait que je me dis, à la TV, tu le verras jamais. Ben, sur la ceinture des... Le chandail, c'est vraiment comme sur la poitrine. Ben, les boxeurs, ils portent pas de... Non, ça doit pas être la boxe, non. Ça doit pas être la boxe. Ça doit pas être la boxe. Tu vois, quand c'est pas écrit, je peux pas vous le dire. Mais je me rappelle avoir lu ça cette semaine, mais je lis trop d'affaires, c'est l'affaire. J'ai trop d'affaires. C'est ça! En Égypte, à l'époque, les petites personnes étaient bien respectées. Certains étaient même considérés comme, non, les petites personnes de petite taille. Ben, c'est ça. T'es pas je suis une petite personne de petite mesures? Taille. Combien tu mesures? Je mesure 5 et 4. Une petite personne, ce serait genre 3 pieds 6, mais... Oh, tu parles d'un... Une petite personne. De petite taille. D'un nain ou d'une naine. Oui, mais le terme approprié est personne de petite taille. Ah, d'accord. C'est ça. Donc, bref, ils étaient très respectés. Ils étaient considérés comme des dieux. Les Égyptiens étaient très tolérants de plusieurs désordres médicaux, de plusieurs handicaps. Et ils pensaient que se soucier de toutes les personnes était un devoir moral, on va le dire comme ça. Et je suis tout à fait d'accord avec eux, donc espérons que ça va revenir un jour. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, dans la culture populaire américaine, une mode était de faire des graffitis disant « Kilroy was here », donc « Kilroy était ici », partout en Europe, ce qui a convaincu Hitler que Kilroy était un espion. Et Staline a même enquêté pour essayer de trouver qui était Kilroy. Mais en fin de compte, Kilroy, c'était personne, c'était une mode, c'était la culture populaire. Une expression qui est devenue populaire donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on voyait dans des graffitis partout. L'origine est un peu controversée, on ne sait pas encore exactement, mais la phrase et le dessin qui est très distinct, le dessin ressemble à un pipi. C'est vrai. Il ressemble à un bonhomme avec un demi-cercle et un pipi, mais en fin de compte, c'est comme un gros nez. Ouais, c'est un nez, en fait, Mathieu. Ouais, je sais, mais on s'entend que ça a l'air de dépasser d'un pantalon. Hein? Ouais. Peut-être des fois, il y avait quelques poils en plus sur le coco, donc c'est encore pire. Poils, tu sais. Avec un nez proéminent, voilà, qui passe ses mains par-dessus un mur avec des doigts de chaque côté et qui s'agrippe au mur. C'est devenu associé avec les GI. Donc, dans les années 1940, les GI, évidemment, qui étaient Government Issue ou General Issue dans l'armée militaire. Oh. Ensuite, John Huntsman, gouverneur républicain, a amené pour la première fois une semaine de travail de 4 jours dans l'état de l'Utah. 2/3 des employés disaient que ça les rendait plus productifs. Ça a réduit les conflits au travail et à la maison. Ça menait à un meilleur moral de l'équipe, des bureaux, si on veut. Ça a baissé le taux d'absentéisme au travail et ça a coupé les émissions de carbone par 14%. Donc ça a super bien fonctionné, John Huntsman. Même s'il est républicain, même si on n'est pas d'accord avec la plupart des affaires qu'il dit, la semaine de 4 jours, ça a du sens. Ceux qui l'ont vécu le savent. En effet, hein? C'est vrai que ça aide beaucoup. Au moral, une fin de semaine de 2 jours se passe. Mm. Ensuite, Prince. Tu te souviens de Prince? Ben oui. Ouais. Décédé il n'y a pas quelques temps. Il n'y a pas beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, à l'époque, il était inconnu. C'était lui qui ouvrait pour les Rolling Stones. Mm-hmm. Hein? Oui, c'est vrai. Ouais, donc, le premier de 2 soirs à LA en 1981, la foule leur a lancé des canettes de bière. Ils l'ont hué Prince pour qu'il quitte la scène en dedans des 20 premières minutes de son numéro. Il est venu sur la scène en portant rien d'autre que des bobettes de bikini, bikini et un trench coat par-dessus. C'est pour ça que les gens l'ont hué, ils l'ont tiré leur bière. Oui, mais Prince était un homme tellement original, plein de couleurs et original. À voilà. Tout à fait. Mais il s'est fait connaître pour ça, hein, fait que ceux qui ont tiré de la bière doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. Exactement. Ensuite, on s'en va en Roumanie. Oui. Roumanienne, c'est Roumanie, je crois. Les travailleurs dans les égouts ont accidentellement découvert une cave qui était scellée pendant 5,5 millions d'années. La cave de Mohile, M-O-V-I-L-E, était remplie donc de créatures exotiques distinctes et évolutionnellement distinctes. Donc, on parle de crabes albinos, de vers, de terre. Donc, ils se nourrissaient avec des bactéries. Qui produisait du sulfure, du soufre, je pense qu'on dit en français, du soufre. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Je cherche à aller voir si Romanian, c'était roumain. Le roumain, oui, voilà. Ensuite, j'aime ça savoir, pour être sûr que je fais pas d'erreur. Les narines, Tania, vont séparer le travail. Tour à tour, ils vont partager l'air qui va entrer dans ton nez. Ça va changer automatiquement d'heure en heure, à chaque quelques heures, en fait. Pas une heure, mais quelques heures. Ça s'appelle un cycle nasal. Et c'est pour ça que souvent, la narine, d'un côté, va être plus... tu vas avoir de la misère à respirer d'une narine quand t'as le rhume. Et après ça va être l'autre narine. Tu te demandes comment ça fait que ça passe d'une narine à l'autre. Oui. Ben, c'est ça. C'est parce que les narines se partagent le travail. Sous un cycle d'une heure, c'est ça? Un cycle de plusieurs heures. Quelques heures. On dit quelques heures. Ouais. Mais quand on respire, là, exemple, tu respires par le nez présentement. Oui, mais tu respires surtout d'une narine. Ah ouais? Tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. Parce qu'en tant que tel, si tu inspires, tu t'en rends compte de tes narines, mais en tant que tel, quand tu respires au cours de la journée, tu vas pas te rendre compte que tu respires. Non, mais c'est ça, mais c'était ça mon test. Est-ce que présentement, tu te rends compte quelle narine travaille le plus? Moi, pas en ce moment, non. Moi, oui. Moi, j'ai tout le temps les bouchées parce que je fais des allergies. Toi, c'est quoi? C'est quelle? J'ai une narine plus grosse que l'autre, fait que ça, ça joue pour T'as une narine plus grosse que l'autre? Oui. OK, t'es un vrai freak? Non, c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'avais des allergies, puis je passais mon temps à me jouer après la narine de même. Okay. Puis à cause de ça, j'ai. Ouais, bon, c'est correct, hein? C'est mieux que jouer la narine. Plus grosse que l'autre. C'est ta phase anale, je pense qu'on appelle. Non. Ma phrase nasale. Ma phrase nasale, excuse-moi, c'est un lapsus. Ah, c'est ça. Et finalement, un homme en Inde nommé Jadav Payang a planté une forêt plus grosse que le Central Park pour sauver son île. Donc aujourd'hui, la forêt de Payang mesure 1400 acres. C'est donc quelque chose d'absolument remarquable. Ça rend Central Park absolument insignifiant avec ses 843 acres. Des rhinocéros, oui. Des tigres. Deer, c'est quoi? C'est orignal? Oui. Et 115 éléphants environ ont déménagé dans cette forêt très, très dense. Les vautours sont aussi revenus dans cette place-là pour la première fois en 40 ans. Donc, félicitations à M. Jadav Payang qui a planté tout plein d'arbres et qui a fait sa propre forêt. Mais ça a pris du temps, là, fait que ça pousse tout ça. Ça doit, ça doit. Il a dû commencer à l'âge de 5 ans, là, mettons. Peut-être, ça le dit pas. Ça le dit pas, hein? Ah, les détails qu'on peut ne pas avoir si on ne lit pas la source au complet. Exactement. Ouais. C'est tout pour cet fait, la chronique qui va en surface, mais qui quand même vous fait dire « Hey, crime, ce serait cool, je vais aller me renseigner sur ce sujet-là, moi-même, parce que ça me tente pas d'entendre parler pendant une demi-heure. » Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission de cette semaine, qui est l'émission de la semaine du 16 mai 2016. On retourne en musique. Tania, on va entendre une deuxième pièce du palmarès, c'est celle de Baja Boulotte. Avec Fool. Assemblage requis sur C'est Fool. Funny when our house is empty, I'm already in my new town. From here I can hear you laughing, I know the sound very well. I'm still assemblage requis. Au retour de la pause, je pense que ça va être le moment de raconter ma petite péripétie que j'ai vécue cette semaine. Oui. Les mésaventures de Mathieu Plante. Au retour à assemblage requis, reste là. Vous êtes à Assemblage Requis pour la semaine du 16 mai 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plon. Oui, maintenant, c'est le moment de parler de mes mésaventures. C'est rare qu'on n'a pas d'intro pour une chronique, là, mais c'est mes mésaventures technologiques. Aujourd'hui, je dois vous parler d'une chose qui m'est arrivée dimanche. C'était assez pénible comme journée. Dimanche, je suis allé chez ma mère pour un petit souper pour sa fête, etc., etc. Je reviens à la maison. Et je vois mon logiciel TeamViewer ouvert. TeamViewer, c'est un logiciel que plusieurs compagnies utilisent, même des particuliers utilisent ça. C'est pour se connecter d'un ordinateur à un autre, que ce soit de votre téléphone, à votre tablette, à votre ordinateur, avec un mot de passe. C'est préinstallé, puis tu peux te connecter l'un à l'autre. D'habitude, il faut que tu rentres un mot de passe, mais tu peux aussi le setter pour pas que tu aies à mettre de mot de passe, que tu peux juste te connecter. Bon. Fait bref, j'arrive à la maison et mon TeamViewer était connecté à mon ordinateur. Je le remarquais parce qu'il n'y avait pas de fond d'écran. Ça enlève le fond d'écran pour rendre la chose plus rapide. Et c'est ça, je vois que quelqu'un nommé Zeus ZUSS est connecté à mon ordinateur et que mon Google Chrome est ouvert sur sur Gmail, mais mon Gmail n'est pas connecté. Okay? Donc là, j'ai peur. Attention. Première affaire que je fais, je déconnecte la personne parce que tu peux déconnecter quelqu'un qui est connecté à ton ordinateur. Okay. Fait que je déconnecte. Et là, je m'envoie dans mon historique de Chrome parce que je me suis dit, attends un peu, si mon Chrome est ouvert et que quelqu'un est connecté, ça se peut qu'il ait fait quelque chose dans mon Internet. Hein? Mm-hmm. Fait que j'ouvre l'historique de Chrome et effectivement, depuis 14h30, et là, il est rendu 14h45 environ, mettons, depuis 14h30, il a visité PayPal, Amazon.com, Amazon.ca, eBay.com, eBay.ca. OK, fait que là, je me dis, wow! Wait a second! Fait que je rouvre chacun de ces onglets qu'il a ouvert, tu sais, je vais dans l'ordre. Bon, OK, fait qu'il est allé sur eBay, il a essayé d'acheter quelque chose. Ça n'a pas marché parce que mes cartes de crédit ont changé. J'ai changé mes cartes de crédit au mois de mars, OK? J'ai changé de modèle de carte. Fait que sur eBay, ça n'a pas marché. Sur Amazon, ça n'a pas marché. Ma carte de crédit à moi est plus active. La carte de crédit de mon ex, qui est encore sur mon compte, une American Express de chez Costco, ils ont changé, sont rendus Mastercard chez Costco. Fait que ça ne marchait plus. Bref, Amazon.com, c'est la même chose, sauf que sur PayPal, il a réussi parce que mon compte PayPal était connecté à mon compte de mon ancien compte de Visa et aussi mon compte de débit de ma caisse des jardins. Ça, mon compte de débit encore, il est encore fonctionnel, tu comprends? Et ce que ça fait PayPal quand tu connectes avec un compte de débit, c'est que ça vérifie ton compte, ça s'assure de pouvoir le lier en t'envoyant genre mettons une scène, telle date, puis là tu reviens sur PayPal, tu leur dis oui, je te confirme que c'est bien mon compte, j'ai eu une scène, nanana. Mais depuis ce temps-là, c'est connecté et le gars a pu acheter une carte cadeau de 100$ US. Oh sur mon compte PayPal à distance avec TeamViewer. Et là. OK, c'est intense. Ouais, c'est gros, là. C'est vraiment gros. Fait que j'ai vérifié, c'est la seule affaire qu'il a fait. J'ai appelé Desjardins dans l'instant même où j'ai vu ça. Le gars m'a dit parfait, fais-toi pas avec ça. J'ai mis une protection sur ton compte. Ça passera pas, il y aura pas de PayPal qui va passer. Le reste de tes transactions, c'est quelque chose, il va falloir que tu ailles en succursale pour t'en assurer, etc., etc. Mais ton compte accédé fonctionne encore. Tu peux encore faire tes transactions, ta carte de crédit marche encore. Fait que j'avais pas vraiment de stress. Il m'a dit fais-toi pas avec ça, c'est réglé. D'accord. Ce matin, je me réveille. Ouais. Évidemment, ils ont essayé de prendre le 100$ US. Et ah ça, ben ça, donne, oui. ça donne 130$ à peu près, 133 à peu près, ouais. environ. Fait que j'ai rappelé tout de suite. Et en plus, non seulement ça m'a fait le 133$, mais en plus, étant donné que Colin, on est sur chômage en ce moment, mon compte est à zéro. Je me sers de ma carte de crédit en ce moment. Oui. Je suis encore en transition avant que mon chômage entre. Fait que ça m'a fait un 45$ de frais. Oh non! Fait que là, je suis dans le trou, on maudit. Fait que j'appelle Desjardins. Je leur dis, c'est parce qu'il faudrait régler ça. Ouais. Ils me disent, ben premièrement, faut pas oublier que aussitôt que c'est arrivé, j'ai appelé Desjardins, mais j'ai aussi contacté PayPal. Ok. PayPal, tu peux dire, bon ben il y a eu un conflit, c'est pas un vrai compte qui a pris mon argent, fait que tu disputes la dépense. Ok. Et PayPal a 10 jours. Ouvrable, 10 jours en général probablement pour régler le problème. Il envoie un courriel au vendeur, il essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis si vraiment c'est prouvé que c'était une fausse transaction, ils vont te rembourser l'argent. Sauf que là, moi... Comment est-ce que tu prouves ça? Je sais pas. J'imagine qu'il y a un système de confiance là-dedans. Ouais, là, tu peux le faire une fois par année, je sais pas trop quoi. Je connais absolument rien là-dedans. Okay. Mais ce que tu peux faire, c'est contester ça et attendre. Et là, c'est même pas sûr qu'ils vont me rembourser. Et deuxièmement, ils n'ont pas vraiment à me rembourser d'argent parce qu'en tant que tel, elle n'avait pas l'argent, fait qu'ils n'ont pas pris. Ah, c'est ça. Sauf que ça, ce que ça veut dire, c'est que PayPal peut, dans plusieurs jours, essayer de reprendre l'argent. L'argent, ouais. Fait que là, j'ai appelé Desjardins ce matin, je leur ai dit ça, et la fille m'a renvoyé à ma caisse Desjardins locale. Et la caisse Desjardins locale sont beaucoup moins parlables que le service à la clientèle de Desjardins. Okay? C'est vrai, hein? Bien Mais souvent, c'est ils ça. Ils veulent jamais te rembourser tes frais. Et j'avais déjà fait faire un remboursement parce qu'on a des problèmes financiers à l'UQTH, je sais pas si ça s'appelle. Ouais, j'avais aussi eu un chèque sans provision. Pour vrai, c'est la pire année. Pour vrai, en finance, ici. Assez fou. Fait que bref, un chèque sans provision au mois de mars. Après ça, t'as plus le droit d'en faire d'autres. Ah mon Dieu, fait que là t'as comme plus le droit. C'est ça. Fait qu'en tant que telle, la fille de Desjardins locale à Trois-Rivières m'a dit que s'il y a d'autres choses qui essaient de passer dans mon compte débit, ça va faire un 45$ à chaque transaction. Oh mon Dieu. Fait que là, je capote bien raide, tu comprends? Fait que là, tu veux pas que l'autre Zeus, là, c'est ça. Il fasse encore des transactions? J'ai changé mes mots de passe. J'ai changé mes mots de passe partout. C'est la chose à retenir, c'est de changer ses mots de passe, non seulement de ne pas faire... Est-ce que tu préfères automatiquement canceller ta carte de crédit à ce moment-là? Je pourrais, sauf que ça me mettrait encore plus dans le trouble, j'imagine. Ouais, parce que... Ouais. Et j'aurais plus de carte de crédit. Ouais, c'est ça. Tu pourrais plus vivre pendant un bout, Mathieu. C'est ça. Je suis un petit peu mal pris. Déjà que je peux pas vivre pendant un bout encore. Avant que le chômage embarque, ça me mettrait encore plus en marre. Mais non, c'est ça. La chose à retenir, c'est de ne pas sauvegarder mon mot de passe automatiquement dans Google Chrome. Parce que c'est tellement pratique, le Google Chrome te l'offre. Voulez-vous sauvegarder le mot de passe? Même chose dans Safari et Explorer et tous les autres, ils vont vous demander d'enregistrer vos mots de passe automatiquement. Et si vous pouvez, Il y a une façon de faire qui s'appelle sur Gmail, entre autres, Facebook, la plupart des gros sites ont ce qu'ils appellent two-factor authentication. Okay. Authentication, en tout cas. C'est l'authentification à deux facteurs. Donc, ça veut dire que quand tu te connectes à ton compte, mettons Facebook sur ton ordinateur, mm-hmm. il faut absolument que tu aies ton cell à côté de toi. Il va t'envoyer un petit code, puis tu rentres le code. OK. Fait que là, tu as besoin de deux appareils. Fait que c'est rare qu'un hacker va pouvoir avoir accès à tes deux appareils en même mm-hmm, temps. C'est vrai. Donc, ça te sauve vraiment la vie parce que tu as besoin, dans le fond, de deux facteurs. C'est, oui, ça dit dans oui, le nom, oui, t'sais. Clairement. Il y a aussi une application qui s'appelle Authenticator sur iPhone et Android qui vous régénère des codes tout le temps, comme TeamViewer, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé le même mot de passe, sauf que à chaque fois que je me connecte sur mon compte, l'application Authenticator régénère un nouveau code, tout le temps un nouveau code. Okay. Un code à 6 chiffres que je rentre dans la boîte puis ça fonctionne. Comme ça, il n'y a absolument personne qui peut faire ça. Est-ce que tu pourrais appeler, mettons, TeamViewer, savoir c'est qui, Zeus? En fait, j'ai cherché sur leur forum et je suis pas le premier à vivre cette affaire-là. Ah, OK. J'ai posté sur ma page personnelle un lien vers la même histoire dans un forum. Le gars raconte la même chose. C'est tout le temps, il essaie de prendre des cartes cadeaux d'iTunes à 100$. Il okay. essaie d'aller dans des jeux de rôle, des RPG, où tu peux acheter de l'or ou de l'argent mm-hmm. virtuel avec de la vraie argent et il prend encore 100$. Fait que c'est tout le temps ça. Il fait tout le temps des petites transactions de 100$. Comme ça, ça paraît moins sur ton compte. Mm-hmm. S'il faisait une transaction de 1000$, tu dirais, Colin, ça se peut pas que je sois à moins 1000, alors que 100$, bon, ben, tu sais, c'était relativement. C'est ouais, c'est si mettons, t'es pas sous chômage puis qu'il y a pas des problèmes financiers, tu pourrais être correct avec 100$ de moins dans ton compte sans t'en rendre compte. Mm-hmm. Fait que non, c'est vraiment. C'est sournois pas mal. C'est très sournois, surtout que ça passe par TeamViewer, ce qu'on voit pas automatiquement souvent. Là. Absolument pas, parce que je parle. J'ai une amie qui travaille chez Desjardins qui me dit que les fraudes de PayPal, c'est quand même assez fréquent. Ah ouais? Il y en a plusieurs, sauf que là, c'est pas une fraude de PayPal. Non, c'est ça. C'est une fraude de TeamViewer. Ça m'apprendra parce que, dans le fond, la raison à la base, là, que. Non seulement je voulais vous avertir par rapport au mot de passe et vous trouvez, je vais finir cette parenthèse-là, vous trouvez un générateur de mots de passe. Il y en oui. a deux qui sont populaires, c'est LastPass et 1Password, qui coûtent quand même de l'argent. Il y en a un qui c'est 16$ par année, donc c'est 90$ une fois sur l'App Store du Mac. Okay. Bref, il y a plusieurs façons de faire, mais c'est que ça va à chaque fois que vous... Vous allez sur un site web, ça vous génère un mot de passe avec un nombre de caractères, des majuscules, minuscules, et ça le prend dans votre compte. Donc, quand vous vous connectez, vous avez juste sur votre iPhone ou votre ordinateur à le copier-coller dedans. Genre, mais c'est okay. tout le temps genre, un mot de passe généré au hasard, puis ça se rechange une fois de temps en temps. T'sais. C'est super sécuritaire. Pour vrai, c'est vraiment très, très à conseiller. C'est vraiment un des meilleurs moyens là, c'est rendu le meilleur. Aujourd'hui. Là. C'est vraiment, moi, je pense, le seul moyen d'être vraiment sûr que mm-hmm. tous vos mots de passe soient complètement et pas le même l'un à l'autre. Parce que souvent, on va avoir deux, trois sortes de mots de passe. Bon, ils finissent pas pareil. Ils ont moi, je dois avouer que j'en ai un pour tout. Un pour tout? Bien des gens en ont deux ou trois, en général, pour tout, mais un, c'est vraiment, ouais. vraiment pas sécuritaire. Parce non, que c'est sais. Comme ça que ça s'est passé, c'est sûr. Mettons, j'avais le même mot de passe. Mettons, j'ai le même mot de passe pour tous les produits Apple. Oui. J'ai le même mot de passe pour tous les produits Google, mais qui est pas le même. Puis oui. j'ai un mot de passe qui est pour, genre, ce dont je me fous, genre les forums, les trucs, tu sais, bon, que tu connais tout le temps, mais c'est pas grave, c'était hacké, tu sais. Mm-hmm. Sauf que le mot de passe de mon ordinateur, OK? Et le même mot de passe que mon TeamViewer. C'est mon mot de passe de base, tu comprends? Ouais, c'est celui qui n'est pas iTunes ou... t'sais. Fait que si la personne a réussi à hacker TeamViewer pour trouver mon mot de passe, et qu'après ça, il arrive, il se connecte sur mon ordi, mais il y a un mot de passe, fait qu'il peut pas rentrer, mais que c'est le même puis qu'il l'essaye. Ouais, c'est ça, voilà, c'est fait. Ouais. Parce qu'en tant que tel, mon ordi se barre aux 15 minutes. Après 15 minutes d'inactivité, il se barre tout seul. Okay. Sauf que c'est le même mot de passe que TeamViewer. Il sait. Fait que c'est vraiment... Ça, c'est un concours de circonstances, mais c'est ma faute. Ben, faute, pas vraiment, parce qu'en temps normal, il ne devrait pas y avoir des hackers. En tant que tel. Mais... Et si j'avais eu le 1Password ou LastPass, ça n'aurait pas eu lieu. Et si j'avais eu le Two-Factor Authentication, ça n'aurait pas eu lieu non plus. Mais c'est un petit peu la faute de TeamViewer aussi. Est-ce que ça oui. veut dire que TeamViewer n'est pas assez sécurisé? Probablement. Et pourtant, ils disent qu'ils le sont. Et il y a des gens qui payent pour TeamViewer. Mm-hmm. Donc, si j'imagine que si j'étais quelqu'un qui payait pour TeamViewer, j'en voudrais en maudit accompagné. C'est sûr. En tant que tel, je vais continuer d'utiliser le logiciel. Il va super bien. Peut-être que sur mon ordi personnel, je vais utiliser le logiciel Screens pour Mac. Parce que je vais être à part de TeamViewer. Mais ici, à Job, on n'a pas le choix d'utiliser ça. Exact. Et en tant que tel, si tu mets... Dans le fond, là, dans TeamViewer, pour ceux qui l'utilisent, OK? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, puis je sais que c'est très, très... Comment on appelle, genre, insider, ouais, là, comme corpo, truc mettons, très corporatif. Ouais. Mais ceux qui utilisent TeamViewer, il y a une façon de faire que tu puisses te connecter facilement. Il y a trois petits points dans la fenêtre. Bon, genre, inscrire votre compte, inscrire votre ordinateur et rendre l'accès facile. Mm-hmm. Ne faites pas la troisième étape. Eux, ils disent de le faire comme si c'était, genre, nécessaire. Ouais. Faites-le pas. Faites que quand vous vous connectez à un ordinateur, ça vous demande le mot de passe de l'ordinateur au début. Et okay. assurez-vous que le mot de passe soit pas le même que votre compte TeamViewer. Il y a des logiciels qui vous permettent pas de mettre un mot de passe qui est pareil. Apple te laisse pas faire ça. Tu peux pas avoir le même mot de passe Apple et le même mot de passe pour ton ordinateur. Ils te laissent pas le faire. Ah, okay? Ouais. Parce que comme ça, c'est plus sécuritaire. OK. Mais il y en a qui te laissent faire. Donc, faites attention à ça. Assurez-vous d'avoir à marquer votre mot de passe dès le départ dans TeamViewer pour vous connecter à l'ordinateur. Et apprenez de mes nombreux concours de circonstances que je pourrais appeler des erreurs. C'est pas nécessairement des erreurs de ma part, mais c'est un petit peu de... Faut travailler contre les hackers de nos jours. Oui, oui, oui, vraiment. C'est ce que ça veut dire. C'est triste, et là, ça fait que je suis dans le trou de vraiment beaucoup d'argent, puis j'espère que ça va se régler. La fille de Desjardins local était supposée me rappeler à 11h30. Si ça appelle pendant l'émission... C'est pas encore fait. C'est pas encore fait, puis il est rendu 3h. On vous avertit, ça se peut que ça sonne pendant l'émission. Si ça sonne pendant l'émission, c'est clair que je dois répondre. Je vais le passer à ma secrétaire, Tania Baudin. Exactement. Et elle m'attendra au bout de la ligne. C'est un méchant périple, et j'espère que ça ne vous arrivera jamais, et j'espère que ça ne me arrivera jamais, que ça m'arrivera jamais de nouveau. Voilà. Mais j'espère du moins qu'ils vont pogner le fameux Zeus, vu que lui le fait de plusieurs fois. Ouais, il sait vraiment ce qu'il fait, parce que tu vois, entre 14h30 et 15h, dans l'ordre, il a fait vraiment tout, là. Tu sais, tac, tac, tac, l'un, l'autre, Amazon.com.ca, eBay, PayPal, tout dans l'ordre. Il sait ce qu'il fait, c'est pas sa première fois. Même que le gars, je suis allé voir dans mes logs, parce que TeamViewer, tu peux aller voir qui s'est connecté à ton compte. Mm-hmm. C'est quand même assez bien fait, tu vois, sur leur site web, et tu peux voir dans l'ordre qui a fait quoi à telle heure, pendant combien de temps, sur quelle machine, sur Windows, sur Mac. Et il y avait... entre mes sessions à moi qui sont marquées Mathieu Plante, il y avait une session d'un gars en Chine. Oh! Fait que le gars est chinois, il va sur des systèmes probablement qu'il réussit à hacker dans TeamViewer avec leur mot de passe. Peu importe la langue, il sait où aller, il va dans ton furteur, et si tes comptes sont pré-enregistrés et qu'il peut juste faire entrer dans le site puis s'acheter des affaires, c'est comme ça que ça marche. En tant que tel, si ma carte de crédit n'avait pas été liée à mon compte et que mes mots de passe n'avaient pas été enregistrés dans Chrome, j'aurais jamais eu ce problème. Donc, toujours vider sa mémoire d'Internet. Hein? Exactement. Et vider, ne pas faire enregistrer les mots de passe dans Chrome. Il y a une option dans les paramètres de Chrome ou de Safari pour dire, bon, je veux pas me servir du trousseau sur les trucs d'Apple. Et sinon, c'est gestionnaire de mots de passe quoi sur Chrome. Ouais. Et là. Eh ben. C'est assez raconté, je pense c'est que j'ai... C'est difficile, par exemple, parce que là, maintenant, on a des mots de passe pour tout dans la vie. Fait que si on doit changer de mot de passe à chaque fois, on doit simplement avoir une page d'agenda juste pour écrire nos mots de passe. Ben, c'est ça. C'est soit avoir un cahier avec ses mots de passe ou se servir des deux applications que j'ai dit tantôt qui, elles, vont le faire pour toi. Dans le fond, c'est la même chose. C'est que chaque site, chaque logiciel a son propre mot de passe, mais t'as pas à les connaître par cœur. T'as besoin que de ton mot de passe maître. Dans le fond, 1Password et LastPass ont un mot de passe, une clé avec... C'est comme une phrase avec des mots-clés. Et tu as besoin du mot-clé et d'une clé de machine. Donc, ta machine doit être approuvée. Et quand tu as ça, tu pourrais même sur ton iPhone y aller par Touch ID. Tu vas toucher à ton bouton et ça va remplir le mot de passe automatiquement pour toi. Donc, tu as besoin de ton téléphone et de ton doigt. Oh. C'est vraiment super bien fait. Je vous le conseille énormément. 1Password et LastPass. Moi, je préfère 1Password. Il y en a qui préfèrent LastPass. Ça dépend des gens. Voilà, c'est tout. 15 minutes que ça m'a pris pour raconter ça, mais je pense que ça valait la peine pour vous... vous faire peur un peu, mais en même temps, vous s'arranger pour que vous... vous sensibiliser, vous sachiez. Voilà. Vous sensibiliser, c'est exactement le mot. Le meilleur mot, Tania. Tu l'as l'affaire, toi, tu l'as. Terrible. Voilà. On vient de parler de ça. J'ai envie de passer à autre chose. Plus tard, on va faire d'autres chroniques, tout ce qui est plus inapproprié et impertinente. Mais pour l'instant, une pièce de Nap Eyes. Roll it. À son appui. In a strange, strange town. Didn't you? De Nap Eyes à Assemblage Requis. Au retour de la pause, on va s'acheter des gadgets dans Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, restez là. Ouh. Avec l'argent qu'on n'a pas. Vous êtes assez fous pour l'écouter. Pour l'écouter. 89 Assemblage requis. Toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Je pense qu'on s'est remis de nos émotions de la précédente demi-heure, toujours à Assemblage requis pour la semaine du 16 mai 2016. Et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Mm-hmm. Et maintenant, ben, tu sais, tantôt, on a parlé de problèmes financiers, on a parlé de manque de fonds, de chèques sans provision. Mm-hmm. Il va falloir faire attention. Et là. Parce que voici, ça existe ou ça ne devrait pas. On l'a. Existe, mais ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets qu'on achète sur Internet et qu'on regrette instantanément quand ça passe. On commence avec quelque chose de vraiment ridicule, un abat-jour pour transformer votre iPhone en mini-lampe de chevet. Ah, pour vrai? Le téléphone intelligent est un objet multifonction par excellence, nous dit le Huffington Post. La preuve, on peut même s'en servir comme lampe de chevet. C'est l'idée qu'a eu le designer italien Nazareno Rusporini avec son abat-jour, un abat-jour qui se fixe sur la lampe du flash de l'iPhone. Repéré par Wired, ce drôle de gadget en plastique est imprimé en 3D et permet de diffuser et d'adoucir la lumière un peu agressive de la lampe. On sait, ça éclaire vraiment beaucoup. Ouais. Le designer a pensé à cet abat-jour un peu spécial en voyant à quel point le téléphone avait intégré des fonctions et remplacé beaucoup d'objets du quotidien comme les montres, les agendas, les appareils photo. Vu la taille, il ne vaut mieux pas compter sur cet éclairage pour lire son bouquin avant de s'endormir. Voilà. Le petit abat-jour se clipse sur la tranche du téléphone. Pour l'instant, l'abat-jour n'est pas commercialisé, mais avec le succès médiatique, le cabinet de design nous précise réfléchir à une commercialisation, peut-être pour commencer sur les sites spécialisés qui vendent des designs d'objets à imprimer soi-même en 3D. Allez voir les photos, c'est quand même joli, c'est sympathique, c'est une petite fun. C'est cute, mais c'est ça. C'est ça, ça sert pas à grand-chose. Et on parle souvent de hamac dans cette chronique-ci. On dirait qu'il y a au moins un hamac par semaine. Ici, c'est un hamac qui s'attache à l'arrière d'un truck. D'un truck. Avec un tow hitch. Un tow hitch, c'est le Tailgaters Dual Hammock, disponible chez Hammacker Schlemmer, comme toujours pour les gadgets les plus ridicules. Ça coûte 350$ US, ce qui est vraiment pas cher pour du Hammacker Schlemmer. Chaque hamac vient avec un truc pour se reposer les pieds, pour que vos jambes ne s'endormissent pas. Voyons donc, je parle donc bien mal. Ne s'endormez pas. et ça peut supporter jusqu'à 250 livres. Et donc, pour le tailgate de votre vie, de votre Super Bowl, peu importe. On le voit, ça s'attache au tow hitch, le truc qui est pour attacher une remorque. Et il sort, y a deux tuyaux qui sortent. Et le hamac s'attache en haut avec un crochet. Et le hamac est un petit peu comme une chaise berçante. Et au bout, t'as le truc pour t'accoter les pieds qui est attaché lui-même au milieu de la chose. Comme bien fait. Produit cœur de qualité, 350$, c'est quand même beaucoup demandé. On revient aux lampes, tiens, c'est une lampe vraiment cool en forme de bloc de point d'interrogation dans les jeux de Mario qui s'allume avec un petit effet sonore de ping, comme les scènes dans Mario. Ah, ok. Et c'est sous licence, donc c'est un produit officiel de Nintendo, ça s'appelle la Mario Question Box Lite. Et on peut l'acheter, c'est vraiment un vrai produit, ça émet le son officiel de Nintendo. C'est 36$ sur Firebox.com. C'est pas si pire, j'en veux une. C'est cool, à mort. Allez voir ça, c'est super bon. Ensuite, c'est une flasque pour votre bouteille d'eau, mais qui est assez plate pour rentrer dans votre poche dans l'arrière. Eh, hey, ok. Hey. Donc, pour évidemment économiser de l'argent sur les bouteilles d'eau achetables, donc oui. En la remplissant soi-même. C'est Jesse Leworthy et Jonathan Burt qui ont créé ce produit-là. C'est des bouteilles qui se vendent en format de 375 ou 750 millilitres. Ça fait moins de 2 pouces d'épais. Il y a un modèle A6 qui peut entrer donc dans votre poche de pantalon et le modèle A5 qui peut entrer dans un sac de messager, les sacs de facteurs comme... Ou les grosses sacoches de filles. Grosses sacoches de filles, exactement. Donc, c'est de la grosseur à peu près d'un livre ou d'un portable. Et ça a reçu le titre, le prix d'or pour le Fashion and Travel Accessories au A-Design Awards plutôt cette année. Donc, c'est ça. A6 pour 22$, le A5 à 25$. Et on peut les commander sur leur site memobattle.com. C'est assez sympathique, tout ça. Pourquoi pas? C'est pratique. Mm-hmm. Pratique. Ensuite, c'est une caméra 360 degrés qui va prendre des photos alors que vous la lancez dans les airs, la caméra. Hein, évidemment, on ne devrait pas lancer une caméra dans les airs, votre iPhone non plus. Il y a même un jeu, à un moment donné, c'était quoi? C'était Snapchat ou quelque chose comme ça, qu'il y avait un jeu où tu devais lancer ton téléphone le plus haut dans les airs possible. Pour vrai? Et ça détectait la hauteur. C'était tellement une mauvaise idée. Mais non, hein? Donc, c'est couvert de 36 lentilles. C'est une caméra 360 degrés qui est faite pour prendre des photos dans les airs, selon Mashable. Ils ont réussi à ramasser 1,25 million de dollars via Indiegogo. Et les fondateurs de Panono ont maintenant fabriqué l'appareil pour le prix d'environ 1 500 $, disponible pour achat en ce moment. Pour l'utiliser, les photographes lancent la caméra de la grosseur d'une balle molle dans les airs. On peut la programmer pour s'activer lorsqu'elle se rend à son plus haut point. En prenant des images avec les 36 capteurs et ses caméras 3 mégapixels tout en même temps. Les utilisateurs peuvent prendre des photos en la tenant aussi dans leurs mains, en appuyant sur le bouton fait exprès sur la balle. Ou encore, ils peuvent l'attacher à un selfie stick qui fait exprès, le Panono selfie stick, et prendre une photo avec le bouton sur la poignée. Lorsque c'est monté sur un trépied spécial, l'appareil peut aussi être utilisé pour prendre des photos à distance via une application Companion sur votre téléphone. Ça capture pas de vidéo, malheureusement, okay. Mais ça prend quand même des photos de meilleure qualité que la plupart des caméras à 360 degrés sur le marché. Après avoir capturé une scène de tous les angles, le logiciel va tout coller ça ensemble. En utilisant un logiciel propriétaire pour créer une photographie de 108 mégapixels qui peut être vue avec des Google Cardboard ou des lunettes de réalité virtuelle. Oui. Et on peut même le lire en ligne aussi. Donc, ça devient de plus en plus mainstream, le VR, la réalité virtuelle. Vraiment, hein? Vraiment très cool. Ensuite, c'est de l'encre de tatou qui est faite pour fondre, pour s'en aller après un an. Hein? Intéressant. Donc, si tu décides que tu veux un tatou sur ton corps, ouais. Et que t'es pas sûr que tu veux que ça dure toute ta vie, hein? Ça s'appelle Ephemeral. C'est une petite start-up qui a 2 ans. Donc, il est basé à Harlem. Et ça repense le concept des tattoos en changeant l'encre permanente pour de l'encre temporaire. Donc, la raison pour laquelle le tatou reste sur la peau de façon permanente, c'est que les molécules sont trop grosses pour que notre système immunitaire puisse s'en débarrasser, apparemment. Donc, pour contourner ça, l'équipe de Ephemeral a développé une encre fabriquée de plus petites molécules. Tout seul, ça va fader, ça va fondre plus rapidement que l'autre encre. Bref, ça, finalement. Ils ont réussi à... pour donner une plus longue vie... OK, non, c'est ça. Avec des plus petites molécules, ça aurait fait un tatou qui aurait fondu beaucoup trop rapidement. Donc, okay. Ils ont essayé de faire un entre-deux en encapsulant, qu'ils disent, leurs molécules d'un enrobage protecteur fait pour commencer à se défaire après un an. Donc, si à n'importe quel point la personne qui s'est fait faire le tatou veut se débarrasser du tatou plus rapidement, il y a une solution spéciale qui peut être appliquée sur la peau via une machine et ça va enlever ses composants-là instantanément, la protection autour des molécules, pour que ça parte encore plus vite que leur version à eux. Hey, mais c'est vraiment intéressant. Très fort. Hein? Donc, les tatous temporaires de compagnies comme Tattoo You et Inkbox sont déjà populaires parmi les gens qui sont curieux de se faire un tatou. Mais contrairement à ces produits-là, qui ne restent que quelques semaines, Ephemeral donnerait aux personnes... une bonne idée en gardant ça pendant un an. Donc, ils font des tests en ce moment. La compagnie dit être passée à tester sur des cochons. Ils espèrent en ce moment pouvoir faire ça sur la peau des humains dans un an, à l'automne de l'année prochaine. L'année prochaine. Ephemeral n'a pas encore décidé pour les prix, mais on dit que ça devrait être entre 50 et 100 $ pour un an. C'est comment un tatou permanent? C'est pas mal. Ben, ça dépend de la grosseur, bien évidemment. Okay. Mais en temps normal, ça va commencer aux alentours des 85-95. OK. Pour un petit. Ouais, pour un petit. Là. OK. Eh ben, c'est intéressant quand même comme façon de faire. Ensuite, si tu t'entraînes avec un vélo stationnaire, un vélo sur place, tu trouves ça plate un peu parce que bon, t'as peut-être pas assez des grandes fenêtres, peut-être que la façon que c'est placé dans un gym, tu vois pas grand-chose, tu peux pas te divertir, tu sais. Mm-hmm. Donc t'as besoin du Indoor Virtual Bike Trainer. C'est sans avoir à vivre les températures extérieures avec la pluie et un vrai vélo, et ni non plus à survivre avec juste un mur à l'intérieur. C'est comme un mélange des deux parce que c'est un écran. En fait, c'est un iPad. C'est ton propre iPad que tu vas mettre sur ce socle-là. Et ça passe avec l'application des environnements derrière, devant toi, dans le fond. Donc, plus tu pédales vite, plus tu vas avancer vite dans le jeu, dans le trainer virtuel. Et ça... Ça vous rend la tâche réaliste. Ça coûte 1200$ sur Amazon. Donc, c'est le vélo en tant que tel et le socle. Ça se connecte via Bluetooth 4.0. Facile à assembler, à ajuster et à transporter. C'est supposé rendre ça super réaliste. Et ça, c'est supposé aussi, avec le Wheel Off Design, c'est supposé éliminer la fatigue de vos jambes. Ou là, c'est la fatigue des pneus. Excuse-moi, c'est okay. Ça endommagera pas les pneus. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Pas mal ça, finalement. Je sais pas pourquoi sur le système on montre pas le socle pour iPad alors que sur l'autre page on le montrait. Je sais pas, hein. La petite vidéo nous en dit-elle plus? Donc, ça dit Wahoo Kicker, c'est le nom du produit. Wahoo, puis K-I-C-K-R. Résistance contrôlée par le iPhone. Ah, ok, c'est ça. La résistance de votre pédalage est contrôlée par l'iPhone aussi. La plateforme de logiciel est ouverte et tu peux avoir plein de workouts différents. C'est pas mal tout ce que ça dit. Ton iPad se connecte en avant puis te montre la route. Mais c'est quand même cher, 1200$ pour ça. C'est 1200$ américains en passant. Donc, Wahoo Fitness. Ensuite, pour ceux qui veulent se sentir comme dans un restaurant ou dans un supermarché de vrac, tu sais, un magasin en vrac. C'est le Wall Mounted Triple Dry Food Dispenser. Ah, ça, c'est tellement beau, là. C'est super beau. Donc, c'est des cylindres qui s'attachent au mur avec un socle. Et tu peux tourner la manivelle en avant pour faire tomber la quantité désirée de riz, de fèves, de petits pois séchés, de pâtes, etc. Donc, 13 onces par cylindre. Ça s'appelle le Smart Space Wall Mount Dispenser. Sinon, c'est pas mal idéal dit-il pour les parents, pour contrôler les portions. Et puis c'est durable, fiable et joli. Ça se monte sur le mur. Et ça donne un once par twist de la poignée en avant. De la petite manivelle. Une once par tour. Ensuite, le skin track, tiens, qui est pour projeter. Non, pas pour projeter, en fait, c'est pour changer votre haut de main en touchpad. Donc, c'est un bracelet qui va sur votre poignet. Et ça va vous permettre de draguer sur votre peau. Hein? Donc, c'est le SkinTrack, une technologie émergente qui va permettre donc aux utilisateurs de montres intelligentes de transformer la surface de leurs bras en touchpad interactif. C'est développé par un laboratoire de recherche à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh. Ça s'appelle le Futures Interfaces Group. Et le SkinTrack utilise donc une... est-ce que c'est une bague et un sensor pour rendre votre bras complètement interactif pour votre montre intelligente? Dans le fond, c'est que votre montre intelligente, en tant que telle, si vous utilisez votre doigt, ça vient cacher l'écran, tu comprends? OK. Donc, si ta montre, tu vas cacher l'écran, c'est plate. Donc, ça va, à la place, te permettre d'utiliser ton avant-bras ou ton dessus de main pour bouger sur ta montre intelligente. Ah, tu comprends? OK, je comprends. Donc, à distance, à quelques pouces de distance. Donc, c'est un des problèmes que ça va régler, c'est de ne pas cacher ton écran. Allez voir comment ça fonctionne sur assemblagerequis.com. Il y a une petite vidéo de démonstration aussi. Où la personne fait vraiment, mettons, un petit bonhomme sourire sur sa main et ça dessine un bonhomme sourire sur sa main intelligente. On se comprend. Ce que c'est cute. Ensuite, tiens, pour ceux qui veulent en savoir plus sur leur anatomie intérieure, l'anatomie intérieure de leur torse. Toi, t'es une fan de médecine. Tu parles tout le temps de ta vésicule biliaire. Ouais. Je parle pas tout le temps juste de ma vésicule biliaire, mais... Mais quand même, c'est une des choses que tu mentionnes fréquemment. Hein? Sinon, c'est ta clavicule aussi. Ben, j'aime bien en apprendre sur le corps humain. C'est tellement passionnant. Ben, tu devrais peut-être t'acheter ce chandail Virtual Anatomy T-shirt. Ça serait malade. C'est un chandail sur lequel apparaît bon, ta cage thoracique et des points. Okay? Mm-hmm. Et avec ton téléphone, Android, iOS, peu importe, avec l'application, en réalité alternative, pas réalité virtuelle. Réalité virtuelle, c'est quand tu mets un casque d'en face et tu vis dans un autre monde. Ouais. Réalité alternative, c'est quand ça prend la réalité et ça ajoute des choses dessus. Donc, ça va ajouter sur ton téléphone, tu vas voir le T-shirt, mais ça va apparaître en genre de 3D par-dessus ton intérieur de corps. C'est vraiment cool. Donc, c'est un projet Kickstarter qui s'appelle Virtuality, donc Virtuali et puis T comme un T-shirt, hein, quand même. Okay. donc, c'est vraiment parfait pour apprendre, pour voir à l'intérieur de ton corps. Tu peux vraiment parcourir l'intérieur de ton corps. Donc, tu vas zoomer dans ton colon, je sais pas trop quoi, dans ton estomac, pour voir ce qui se passe. Tu as un choix de la couleur de ton T-shirt, soit rouge, vert ou bleu. Et tu reçois aussi un Google Cardboard en plus. Donc, ouais, c'est ça, le Google Cardboard version Curiscope, donc en plastique, super fancy. Donc, tu peux voir dans ton téléphone et tu peux voir dans tes lunettes. Donc, ça fait tout ce que tu devrais faire pour apprendre tout ce qui est médecine. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que l'anatomie va tellement devenir facile à apprendre là, avec ouais. ça. C'est cool d'être dans le corps, tu te téléportes complètement dans le corps. Ouais. Bref, allez voir ça, c'est un projet Kickstarter. Ils sont présentement rendus à... attention, ils sont rendus à... Ça a déjà été rempli. Donc, ils ont ramassé plus de presque 75 000 euros. Et on peut précommander en ce moment encore aujourd'hui. Donc, il y a un bouton précommander. Pour quel prix? Attention. 22 livres ou plus, tu vas avoir un T-shirt. Il en reste deux pour ceux qui veulent payer seulement 18 livres ou plus. Le Virtuality, mais pas d'autres machines, rien. Il va falloir que tu lui ailles avec ton téléphone cellulaire. Et après ça, les prix commencent à monter pour avoir aussi le Google Cardboard. Ouais. Ensuite, allons-y avec un incubateur pour l'après-vie. Tu sais, quand quelqu'un meurt, ouais. hein, pour garder le souvenir et la mémoire de ton être cher qui est parti trop tôt, mm-hmm. En plantant, en fait, c'est une urne biodégradable qui utilise les restants qui ont été brûlés, là, cremated, comment on appelle ça? Brûler, faire des cendres. Ouais. Bref. Tu vas pouvoir planter ça dans l'urne et ça va faire pousser un arbre. Ça coûte 170$. C'est vraiment littéralement pour faire pousser quelque chose par-dessus les cendres de ton être cher. Spécial quand même. Hein? Quand même, 170$. Quand même. Ensuite, le Zap Light. Zap Light, c'est pour tuer les insectes dans votre maison avec une ampoule. Energy Saving, donc qui économise l'électricité et qui est deux dans un. Hein? Donc, c'est une ampoule de 9 watts, 920 lumens, qui est aussi un tueur d'insectes, un bug zapper. Donc, ça peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur si c'est installé sous un toit ou protéger les éléments parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'eau dessus. C'est fait pour être sans produits chimiques, facile à nettoyer. Individuellement, ça coûte 25$ par ampoule, mais on peut aussi en acheter en paquet de 3, 6 ou 12. On peut visiter zaplight.com, zappplight.com et Amazon pour commander. Donc, vous pouvez aller voir la critique sur assemblagerequis.com, mais littéralement, ça a juste l'air d'une ampoule normale avec une petite lumière mauve à l'intérieur. Et le logo de Zaplight, c'est branché dans une prise d'ampoule normale et ça tue les insectes qui entrent en contact avec l'ampoule. Tout est intelligent, on le dit à chaque semaine. Si on a parlé par le passé de quoi? De corde à danser intelligente, n'importe quoi. Maintenant, c'est votre poêle à frire qui est aussi intelligente. L'Intelligent Frying Pan. Hein? Pour pouvoir comprendre comment faire de la cuisine, il y a des sensors à l'intérieur qui vont tout le temps savoir à quelle température ta poêle est. Ta poêle! Ça va se synchroniser avec l'application pour vous donner les instructions étape par étape de cuisson. Ça coûte évidemment super cher, 200$ pour une poêle. C'est pas mal cher, mais très très belle, très bien faite, et l'application a l'air bien faite aussi. Il y a une petite vidéo de démonstration sur, encore une fois, assemblagerequis.com pour savoir comment ça fonctionne, mais en gros, bon, tu dis que tu veux faire cuire du porc, ça va même t'envoyer des reminders sur ta montre, si tu veux, bon, de placer telle herbe, de placer tel ingrédient dedans, et la température est en temps réel suivie pour te dire, bon, ben maintenant, descends un peu la température, monte-la, enlève-le du rond, etc., etc. Je pense que c'est la poêle parfaite pour quelqu'un comme moi, qui n'a aucune habileté en cuisine, et qui veut se faire dire comment faire avec un reminder. C'est vraiment super pratique. C'est vrai, c'est pratique. Et tu peux choisir aussi la couleur de ton manche de poêle. Je trouve que c'est une excellente idée. J'espère qu'un jour, ça va baisser de prix parce que 200$, je trouve ça cher. C'est quand même très dispendieux. Là. Surtout qu'après ça, ça compte pas la viande. Faut que t'achètes la viande à part. Donc, allez voir le lien. Ça s'appelle la Pantelligent Intelligent Frying Pan. Donc, Pantelligent. Ensuite, le Chill Bag, qui est un gros bean bag. Tu sais, les bean bags, les espèces de grosses bulles sur lequel tu peux t'évacher comme un pouf, un genre de pouf avec du riz dedans ou peu importe. Donc ça s'appelle Chill Bag, mais ça mesure 8 pieds de diagonale. Donc pour regarder un film, pour vraiment relaxer de façon la plus chill possible, ça mesure 96 pouces de diamètre, 34 pouces de hauteur, et ça s'appelle le Chill Bag. Ça vient avec une couverture couleur suède charcoal. Tu peux pas suède. Vraiment avoir un sofa dans ton salon avec ça en même temps? Je pense que non. C'est en effet pas mal gigantesque. Je sais pas si ça va très bien avec bien des décors, mais bon. Ça dit n'importe quelle pièce, n'importe quel dortoir, c'est parfait pour n'importe qui. Donc le chill bag. Ensuite, les trampolines, c'est cool, mais des fois, ça prend de la place en hauteur sur un terrain et c'est laid de loin. Donc à la place, pourquoi pas une trampoline qui va dans le sol. Ah. Je sais pas, ça va être moins laid, mais ça va être moins dingue. Je sais pas c'est trop. Sûr. Je sais pas, tu peux quasiment marcher dessus puis passer d'un bout à l'autre du terrain. Donc c'est un environnement plus sécuritaire pour sauter pour les enfants. Une trampoline donc qui va à l'intérieur du sol, ça va abaisser le risque de blessures sérieuses. Ça va créer un paysage plus esthétiquement plaisant dans votre cour arrière. Évidemment, la personne qui a installé ça sur la photo sur assemblagerequis.com a un terrain énorme. Oui, c'est ça. Il y a comme un jeu de mini-pattes à côté. Wow, c'est un château sur l'affaire. Donc, il peut se permettre d'acheter un trampoline à 1625$. Je pense qu'il peut. Je pense que oui. C'est sur Amazon. In-ground trampoline kit complete. 15 pieds de diagonale. Ensuite, allons-y avec le prochain. Qu'est-ce que c'est ici? C'est des haut-parleurs pour ceux qui sont durs de l'oreille. Hein? Donc, le CDC nous dit qu'environ 15% des adultes américains ont un problème d'ouïe, donc ils ont de la misère à entendre. Ce qui veut dire qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'un petit peu plus d'aide lorsqu'ils écoutent la télévision ou peu importe, lorsqu'ils écoutent des podcasts, la radio-diffusion, la radio, peu importe. Donc, les haut-parleurs réguliers vont faire rebondir les sons un petit peu partout dans une pièce, ce qui va créer de l'écho et ce qui va rendre encore plus difficile l'ouïe. Donc, selon la compagnie Hypersound, va émettre un son qui est complètement contrôlé avec un jet de son, si on veut. Un peu comme une lampe de poche va envoyer une lumière devant. Donc, le son reste directement envoyé vers la personne, voyager directement vers son oreille au lieu de rebondir. C'est la compagnie Turtle Beach qui fabrique ce produit-là. Mm. Ils produisaient déjà des casques d'écoute pour les jeux vidéo. Mais maintenant, ils fabriquent des haut-parleurs pour les personnes avec problèmes d'ouïe. Donc, allez voir ça, c'est vraiment très, très, très, très intéressant et très intelligent. Des petits haut-parleurs, vraiment, c'est des haut-parleurs comme d'ordinateur, sauf que le son est visé vers toi. Ah, c'est encore mieux. Donc, mettons, t'as des colocs, c'est sûr qu'ils l'entendront pas. Non, c'est ça. Vraiment très pratique. Très, très pratique. Ensuite, un petit peu moins pratique, un petit peu plus stupide, c'est le Potato Chip Grabber de la compagnie Takaratomi au Japon. Ça a l'air vraiment stupide au début. C'est pour ramasser une chip, une croustille à la fois en pinçant les doigts. Donc, il y a un petit y a un levier. Tu pinces les doigts d'une main qui a l'air un petit peu d'un dessin animé ou d'une bande dessinée. Et ça garde aussi vos doigts, évidemment, tout à fait propres. Il n'y aura pas de graisse, pas de sel dessus. C'est la première ustensile, disons, pour ramasser les choses qui font des dégâts, comme chips, bretzel, popcorn et plus. Avec un système qui s'appelle le No Broken Clutch System, qui empêche de briser votre chip, peu importe comment vous appuyez sur le bouton. Hein? Il y a aussi le Finger Easy Cleaning System qui va ramasser les miettes automatiquement et le No Touch Table System qui va vous permettre de le mettre sur la table sans que les doigts touchent à la table. Donc c'est parfait pour les gens qui sont vraiment très très hypochondriaques et germophobes. Potato Chip Grabber. Dans le même genre, c'est les Food Huggers Silicone Storage Cover. C'est pour couvrir dans le fond vos fruits et légumes de silicone. Après les avoir coupés pour pas les endommager. Mm-hmm. C'est bien ça. Ouais, donc pour couvrir un demi-oignon, une demi-orange, peu importe, ça a l'air un petit peu étrange, mais les food huggers peuvent couvrir aussi des canettes de liqueur, des trucs comme ça. Donc c'est des belles petites couleurs très très fluo. Facile à voir dans le frigo. Et puis c'est réutilisable, ça s'étire, ça fonctionne sur n'importe quelle chose qui est ronde. OK. Et puis c'est il y a aussi. Non, c'est ça, c'est tout. Donc, c'est faut que ça soit rond, là. Faut que ce soit. J'ai l'impression qu'il faut que ce soit plat en dessous et courbé en haut. Ah, ouais, possible. J'ai l'impression. Donc, une canette, entre autres, c'est courbé de deux côtés. Je sais pas, mais ça a l'air vraiment bien fait. Sur Amazon, emballage de 4 pour $12 américains. On le voit sur les photos, sur plusieurs produits. On le voit sur des cannes de conserve, entre autres. Donc, ouais, ça fonctionne sur ce qui est plat, mais que les côtés ronds. Cool, hein? Très cool. Très. Ensuite, c'est le lit le plus intelligent du monde, nous dit-on. On n'aura jamais à mal dormir dorénavant. Le lit est fait pour surveiller vos statistiques vitales corporelles en temps réel et va ajuster tout, que ce soit la fermeté du matelas, la température, en utilisant l'application sur téléphone cellulaire. C'est encore une fois un Kickstarter qui s'est rendu à son but de 100... En fait, ils ont dépassé leur but, ils sont rendus à $137,000. C'est sur baluga.com, B-A-L-L-U-G-A.com. Leur petite vidéo dit que le sommeil est très important, etc. Ça surveille chaque partie de ton corps, que ce soit les épaules, les fesses, les jambes, etc. Et ça va contrôler la fermeté pour vraiment que tu sois confortable. Sur ton téléphone, tu vas ajuster ça ploup, ploup, ploup, ploup, jusqu'à temps que tu sois absolument confortable. Et la température aussi. Il y a un système anti-ronflement, disent-ils. La technologie est complètement invisible. Ouais, anti-ronflement. Je sais pas. C'est magique. C'est magique. J'imagine que ça va faire que l'oreiller aussi va être levé ou descendu pour ouvrir ton ta gorge justement pour empêcher de faire du ronflement. Probablement, oui. Voilà. Donc, Baluga, B-A-L-L-U-G-A. Fantastique. Ensuite, quand tu prends ton bain, Tania, des fois, tu te dis « Caroline, j'ai besoin de travailler en ce moment. » Oui, oui. Je suis en train de perdre mon temps. Le pire, c'est que je me dis ça. C'est ça, tu dis « Je peux pas relaxer, mon cerveau est pas capable de se calmer. » Non, non, non. Hey, bon. C'est très difficile. Donc, il te faut ce caddy pour le bain qui est en bois. Un wooden bathtub caddy. C'est littéralement une planche de bois, mais qui va venir se pogner au côté de ton bain. Mm-hmm. Pour pas que ça bouge, évidemment. Et là-dessus, tu peux mettre ta tasse de thé, ton cahier, une chandelle pour vraiment prendre ce cool dans le bain. Ratatiner pendant que tu travailles. Pourquoi pas? Tu sais quand même que ce serait juste pour écouter une série télévisée. Oui. Sans vraiment toucher à l'ordinateur, là, bien évidemment, là, parce qu'on veut pas que briser notre ordi. C'est ça, oui, en effet. Mais de ce côté-là, ça serait vraiment génial. Ouais. C'est vraiment cool. Très, très cool. Donc, c'est fait à la main, en chaîne. Ça peut être envoyé dans le monde entier à partir des États-Unis. C'est sur Etsy, la boutique Etsy de Pig and Owl. Ça coûte 172$ canadiens. Voilà. Ensuite, oubliez les serviettes pour bébé. Allons-y avec les serviettes pour adultes maintenant. Oui, les serviettes pour adultes, les Life Wipes. En fait, je crois que j'en ai peut-être déjà parlé de celui-là. Je suis pas sûr. Bref, c'est de super grosses serviettes de 1 pied par 2 pieds. Donc, c'est une vraie grosse serviette, comme une serviette pas pour le bain, mais quasiment. C'est vraiment énorme. Ça me fait penser à une débarbouillette. Oui, ben aussi, mais une débarbouillette jetable. Un emballage de 10 pour 25$. C'est trempé dans de l'aloe vera, vitamine E, coton biodégradable naturel. Donc voilà, si ça vous intéresse, t'as le modèle de 4 pouces par 3, 6 par 4 et 8 par 6. T'as aussi le très très gros modèle de 12 par 24 pouces. Donc ça, c'est le modèle que j'ai dit tantôt de 1 pied par 2 pieds. Énorme, mais ça peut être utile en dernier recours, en camping peut-être, pour mettre dans son sac. C'est pratique. Oui, très pratique. Ouais. T'sais, on parle pas de camping d'une semaine et demie. Là, non, non, non. Mais... ensuite, on revient au hamac dont on a parlé au début de la chronique. Oui, ben oui. Maintenant, c'est des hamacs qui flottent sur l'eau. Ah, ça, c'est cool. C'est le Hammocraft. Ça coûte 1000$. C'est un ensemble qui va vous permettre de fabriquer votre propre petit véhicule. Ça inclut deux planches de paddleboard qui ne sont pas inclus. OK, donc j'ai dit inclus, mais ils ne sont pas inclus. Il faut les inclure soi-même. Les hamacs ne sont pas inclus non plus, mais le kit, c'est le reste. Donc, c'est des poteaux qui vont venir se poser sur les planches, les trucs pour attacher après les planches, les bâtons pour attacher les hamacs. Donc, tout ça, sauf les hamacs, sauf les planches, et sauf les amis pour venir le faire avec vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 hamacs en tout. Et puis ça flotte dans les airs et j'imagine qu'il faut un autre ami pour vous pousser vers l'eau. Je sais pas comment ça... Parce qu'une fois dans l'eau, j'ai de la misère à comprendre comment tu vas embarquer dans les hamacs toi-même. Ouais, c'est vrai, hein? Pas sûr. Ça coûte 1000$. Wow, beaucoup trop cher. Ensuite, c'est le Turntable. T-R-N-T-B-L, Turntable. Donc, jouer des disques, c'est bien le fun. Hein? Mais maintenant, on veut partager ça via les réseaux sociaux, montrer à vos amis qu'est-ce qu'ils jouent sur votre vinyle, etc., etc. Donc, ça peut streamer cet appareil-là, ça peut streamer sans fil sur un appareil Sonos, via AirPlay sur un Apple TV ou autre, via des haut-parleurs Bluetooth aussi. Et la table vient en modèle matte black, donc un genre de noir mat, et crème, genre de soft cream, comme un blanc cassé un peu, avec un design minimaliste et des composants de haute qualité, dont un bouton avec revêtu d'or. Et un contrepoids et une plaquette d'acrylique frostée, etc. Donc, ça coûte 350$ et ça vous permet de, comme je disais, partager sur les médias sociaux ce que vous êtes en train d'écouter sur votre table tournante. Pas pire, hein? Pas vraiment. Pire. Ils peuvent même écouter avec une fonctionnalité tune-in. Ils peuvent écouter ce qu'ils jouent sur ta table tournante en temps réel à distance. Très cool. Ensuite, la cigarette électronique est bien populaire, mais maintenant que voici qu'arrive le cigare électronique Vepo. Ah, ouais. Ça ressemble à des cigares jusqu'à l'emballage, jusqu'à même le petit anneau, la petite bague que sur les cigares. Vraiment. Le bout est même mâchable grâce à un soft mouthpiece en dessous du papier qui est protégé d'humidité grâce à un enrobage spécial. Donc tu peux vraiment comme mettre ta bouche dessus puis croquer. C'est spécial. C'est très spécial. T'as pas besoin par contre d'allumettes pour l'allumer, ce cigare électronique de Vepo. Pour l'utiliser, vous avez juste à tirer dessus et ça va certainement prendre vie. Le bout, la queue, si on veut, ça va s'allumer lorsque vous tirez pour émuler, faire l'émulation du feu qui serait pris après votre cigare. Et ça va produire une vapeur goûteuse de différents degrés de nicotine ou encore aucune nicotine. Leur cigare standard vient en version brun pâle et brun foncé. En version brun pâle et... Oui, c'est ça. Et en version brune foncée, en 8 couleurs, 8 saveurs différentes. Donc, saveur de tabac, saveur de cigare cubain, vanille et chocolat. Ça dure environ 1800 puffs chaque. Ils sont aussi disponibles en version rechargeable qui se recharge via USB et peut être rempli avec des cartonizers moins chers, bon pour 900 puffs chacune, chaque cartouche. Et ce qui est un petit peu plus long que les cigares jetables. Voilà. Ouais. 30$ chez Vepo. Vepo. C'est Vepo aussi. Ah, mais c'est pas pire comme prix. 30$, ça a du sens. Ouais, ça a du sens. Ouais. Et finalement, tiens, ça c'est vraiment cute pour vrai. C'est vraiment super cute. C'est comme un genre de tuque. Ouais. Et foulard en même temps, sauf que ça te fait ressembler à une licorne. Donc t'as un casque de licorne sur la tête et sur le côté, le corps. Tiens, puis là tu peux l'attacher en foulard. 35,96$. Il y a beaucoup de gens qui avaient ça à l'Halloween. Ah, pour vrai? Ouais. Pas. Je trouve ça cute. Ouais, c'est ça. C'est cute. Tu trouves ça cheesy, toi? T'aimes pas ça? C'est trop bébé? Ben, moi, je trouve ça laid. Ah, pour vrai? Ah non, moi, je trouve ça sexy à mort. Une fille qui porterait ça? Oui, ouais. Mais c'est parce que t'es... Avouons-le, là, t'es un peu geek. Oui, là. Un peu beaucoup. Ouais. Et voilà. Donc, automatiquement, ça vient un peu avec le côté licorne. Ouais, absolument. Voilà. Ah, voilà pour cette chronique de ça existe, mais ça ne devrait pas. On a tant de choses à acheter, si peu d'argent. On continuera une autre fois avec d'autres gadgets. Mais pour l'instant, on écoute une pièce... de Marie-Ève Roy. Oui, puis tout à l'heure, on parlait que tu attendais ton appel de Desjardins. Oui. Alors, j'ai décidé de faire jouer l'appel, la chanson, ton appel. Ah, t'es fine, t'es tellement dadon, Tania. C'est fou, hein? Rappelle-moi que je suis dans le trouble, comme jamais avant. Cet assemblage requis. Ça, c'est fou. Devenue et Eve Roy, la pièce Ton Appel à Assemblage Requis. Au retour de la pause, Tania is gonna entertain mm-hmm. ya. Enfin! Assemblage Requis. Assemblage requis pour la semaine du 16 mai 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oh oui, Mathieu Plante a assez parlé. On est rendu à la mi-chemin de l'émission. On est au pit stop. Toi mm-hmm. qui aime les chars, faut faire des analogies. Là. On est rendu au pit stop de l'émission. Donc voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école. Et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Ta-da-ta-ta-ta. Ta-da-ta-ta. Ta-da-ta-ta-ta. Ba-da-da-bum-bum-bum. Bum-bum-bum-bum. And she's gonna entertain ya. Hey, c'est Tania. Hey, hey, hey. T'es contente cet été? On chante tout le temps ta version longue. C'est vrai, t'as bien raison. En temps normal, c'était une fois la longue, puis le reste de la semaine, c'était les plates, plates, plates courtes. On n'est pas sûr quand c'est plate picot. Eh ben non. Non, bien aimable. Stella. Donc, Tania, aujourd'hui, on parle de soleil. Oui, on parle de soleil. Comme vous pouvez le voir présentement, il n'y en a pas beaucoup. Pour ceux qui écoutent en rediffusion, ben, j'espère que vous en avez présentement. On a des rediffusions des heures tellement bizarres que ça se peut qu'il y en ait à un moment donné ce soir. Exactement. Puis présentement, mardi, 15h37, il n'y en a pas. Ouais. Donc, sinon, il y a le samedi après-midi qui devrait être possible. Ouais, c'est le dimanche matin à 10h. Il annonce beau en fin de semaine. Donc, de ce côté-là, j'espère que vous en avez. Mais oui, je voulais parler du soleil parce que depuis quelque temps, ça va et ça vient. Hein? Au Québec, ça va un petit peu avec la météo, mettons. Là. Il fait froid, il fait pas froid, il fait super chaud, il fait beau. Puis après ça, ben, il neige, hein? Comme hier matin un peu. Fait que, on va s'en parler. Je veux parler du soleil. Je veux parler en premier lieu des bienfaits du soleil. Ah, parce qu'on parle souvent de qu'est-ce que ça fait sur la peau, que ça peut engendrer le cancer de la peau, que c'est pas tout le temps super bon d'être très, très exposé au soleil. Par contre, il y a des bienfaits à cette fameuse lumière du soleil-là. Et la plupart du temps, bien, une des bienfaits que l'on connaît tous, c'est la fameuse vitamine D. Oui, D, voilà. Tout le monde pense que c'est C, le soleil, mais c'est D. Oui, c'est vitamine D. Parce que, en fait, ça vient aider à notre bonne humeur et tout ça. C'est un peu ce qui fait que quand on n'a pas de soleil durant l'hiver, on file un peu moins bien. Il y a des pilules de vitamine D, si vous voulez en prendre plus. Ben oui, c'est pour ça d'ailleurs que ça se vend. Non, abusez-en pas, mais c'est pour ça que ça se vend. C'est parce que ça vient vraiment venir régulariser un petit peu le nombre de vitamine D que ça prend dans notre système pour être de bonne humeur et faire en sorte qu'on fonctionne quand même bien. Hein, parce que quand on fonctionne pas super bien, mais souvent, c'est parce qu'on va pas bien. Et voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un des bienfaits qui est de fortifier les os. Ça vient rentrer aussi en ligne de compte avec la vitamine D. C'est que, comme je le disais, la vitamine D, elle est essentielle pour fixer à la fois le calcium et le phosphore. Donc, si on a vraiment beaucoup de vitamine D, si on fait bien évidemment attention à notre peau et à nos yeux et tout ça, et qu'on prend la bonne quantité de lumière de soleil, eh bien, on va voir que nos os vont être de plus en plus forts et on va se sentir aussi de moins en moins amorphe. Ouais. Donc, de ce côté-là, on devrait en moyenne, en année, avoir de 15 à 30 minutes d'exposition quotidienne suffisante pour que nos os soient à leur pleine force. Ah ouais. Hey, c'est beaucoup quand même. Est-ce que tu sais... Non, fait, j'imagine que tu dois pas le savoir parce que c'est quelque chose d'assez, une question assez obscure, mais si ça passe bien à travers les fenêtres... Ah, ça, ah, bonne question, je vais en venir tout à l'heure, mais okay. Ça dépend des UV A ou UV B. Fait que tu sais tout, j'ai pas besoin de faire semblant que tu sais pas. Yeah. Non, hein? J'ai plein d'affaires. Ben oui, c'est moi qui sais rien. La lumière du soleil aussi, ça aide à synchroniser son sommeil. Ah, l'horloge interne. Oui, ben ça aide à régulariser l'horloge interne, mais ça synchronise vraiment son sommeil parce qu'en fait, la lumière est perçue par la rétine et elle est transmise directement à un certain noyau qui est dans notre cerveau qui, lui, relaie l'information jusqu'à une petite glande qui s'appelle l'épiphyse. Cette fameuse petite glande-là, elle sécrète en fin de journée de la mélatonine, une hormone qui facilite l'endormissement. Et de ce côté-là, la luminosité extérieure peut stimuler ou diminuer sa production. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment l'exposition à la lumière le soir qui va venir retarder la production de mélatonine et donc l'endormissement. Et ben. Donc, une exposition lumineuse le matin, ça va, au contraire, avancer l'horloge. Wow! Donc, si on sort à l'extérieur plus tôt le matin, mais on va être fatigué plus tôt. Ouais. C'est toujours une bonne idée de se lever avec le soleil aussi. Moi, oui. Chez moi, j'ai un commerce devant chez nous qui éclaire une grosse lumière toute la soirée, toute la nuit. Fait que j'ai mis un gros rideau qui bloque la lumière. Mais mm-hmm. Le matin, c'est beaucoup plus difficile de se réveiller depuis ce temps-là. Ah ouais. Ce serait beaucoup mieux d'avoir un rideau où la lumière peut passer au travers et le matin, plus la lumière avance, plus tu te réveilles naturellement sans avoir à mettre d'alarme. T'sais. Ah ouais, je savais pas. C'est ça. Ouais. Ben voyons. Ça aide à mieux apprendre. Est-ce que vous saviez ça? La lumière du soleil aide à mieux apprendre parce que ça constitue un stimulant puissant pour l'éveil et la cognition. Donc, tout ce qui est réflexe puis tout ça. Son impact sur les régions cérébrales nécessaires a vraiment une réalisation d'une tâche cognitive. Donc, elle va vraiment venir chercher la place du cerveau exactement que ça doit vraiment venir bénéficier. Donc, de ce côté-là, c'est, selon l'Université de Liège, une exposition préalable à une lumière orange aide à mieux réaliser une tâche qu'une lumière bleue, comme exemple celle des ordinateurs. Donc, bien souvent, on va dire qu'on a de la difficulté à se concentrer lorsqu'on est vraiment super longtemps devant un ordinateur, puis tout ça. C'est souvent à cause de cette fameuse petite lumière bleue-là que l'écran donne. Et quand on y va pour une lumière plus orangée, plus jaune, comme celle du soleil, eh bien, ça va vraiment venir chercher cette espèce d'attention-là qu'on a besoin et qui va venir vraiment nous aider à stimuler les parties du cerveau qui nous font mieux apprendre. Voilà. Et justement, tu sais, pendant que t'en parles, sur les nouvelles versions d'iOS 9, je pense que c'est après la version 9.3, si je ne me trompe pas, mais depuis récemment, si vous avez fait votre mise à jour, il y a un mode Night Shift qui s'appelle. Donc, si vous ouvrez votre Control Center par en bas ou si vous êtes dans les paramètres, puis sous Night Mode, dans l'affichage, il y a... dans le fond, tu peux programmer pour qu'entre, mettons, moi je mets entre minuit et 9h, mais tu peux mettre entre 10h et 7h. Par défaut, c'est ça. Oui. Ça va à 10h graduellement baisser ta lumière à du bleu, à lumière bleue au lieu d'une lumière jaune-orange, comme tu dis. Donc, ça va faire ça et ça va le lendemain matin graduellement le remettre normal. Ah, ouais. C'est super pratique. Évidemment, ils disent, ça veut pas dire qu'il faut que tu passes la nuit puis qu'aussitôt non, que c'est ça, bien évidemment. C'est ça, il faut quand même que tu lâches tes gadgets quelques temps avant de t'endormir, mais ça va probablement aider. Ça, tout l'affichage devient plus jaune au lieu de bleu. C'est ça, c'est jaune au lieu de bleu. Oui, c'est ça. Jaune ou orangé un petit peu au lieu d'être bleu. Et ça paraît pas vraiment parce que ça le fait graduellement. Sur une période de, j'imagine, une minute, à un moment donné, ça devient jaune. Ah, mon Dieu. C'est ce qu'il en était pour les bienfaits. Maintenant, je vais vous parler de ce que l'on connaît un petit peu plus, c'est-à-dire les coups de soleil, l'espèce de protection solaire qu'on doit avoir. Et je dois dire que j'ai fait une recherche. J'ai cherché vraiment beaucoup intensément à savoir est-ce que le soleil était plus nocif pour les femmes que pour les hommes. Parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on entend souvent. Mm-hmm. Exemple, qu'on parle de thé, parfois on va savoir que les bienfaits ils sont meilleurs sur, je sais pas moi, les femmes enceintes ou quelque chose comme ça. Mais c'est rare, très rare, que l'on va parler de protection solaire simplement envers les hommes. Mm-hmm. Pourtant, les hommes comme les femmes sont à l'extérieur, donc je voulais savoir est-ce que c'était plus nocif chez les femmes que chez les hommes. Mais je dois vous avouer que j'ai aucune réponse. Maudit. Mais moi, j'allais dire que ça a l'air vrai. Ça a l'air vrai. Mais c'est vrai parce que c'est très rare que l'on va entendre un homme premièrement à se plaindre de coups de soleil. Là. C'est rare. Et pourtant, c'est les hommes qui vont être plus souvent à l'extérieur. T'sais, on va tondre le gazon, on va travailler sur la voiture ou on va exercer du sport à l'extérieur. Ah, les stéréotypes, Tania. Très, très gros stéréotypes. Mais tout ça pour dire que je me demandais vraiment si c'était plus nocif parce que bien souvent aussi, les fameux cancers de la peau, on les voit plus souvent chez la femme que chez l'homme. Et je me demandais si le soleil avait quelque chose à faire avec ça. Si c'était, est-ce que parce que les hommes ont un système immunitaire plus fort que les femmes de ce côté-là? Mais comme je vous dis, malheureusement, j'ai eu aucune réponse à mes questions. Maudit Internet pas fiable! C'est terrible. Je suis outrée, mais je continuerai à faire mes recherches et j'espère arriver avec une réponse pour vous très bientôt. Ce sera le fun. Mais je vais vous parler de coups de soleil. Parce que bien souvent, ce que l'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qui cause les coups de soleil. On sait que si on sort à l'extérieur, qu'il fait super beau, on doit se mettre de la crème solaire et tout ça. Mais pourquoi exactement? Qu'est-ce qui va faire en sorte que l'on va attraper un coup de soleil? Eh bien, il faut savoir que oui, c'est l'exposition au soleil, particulièrement durant la saison estivale et durant les heures où l'ensoleillement est le plus intense. Et ces heures-là, c'est entre 10h le matin et 14h l'après-midi. Okay. Donc, si vous sortez de chez vous le matin, vous êtes du type à faire de l'activité physique durant toute une journée, eh bien, sachez que si vous sortez directement à l'extérieur dès le matin vers les alentours de 10h, vous êtes déjà à une très grande intensité de UV produit par le soleil et c'est entre 7h-là et 14h que vous devez absolument vous protéger le plus. Le plus, c'est ça, parce que c'est là que ça affecte le plus, mais en tant que tel, avant et après, les gens se disent « Ah, il fait moins soleil, je peux sortir », ça peut quand même causer des problèmes. Ça peut quand même causer des problèmes et je tiens à vous dire que même les nuages, présentement, c'est très, très ennuagé aujourd'hui. C'est couvert, ouais. C'est couvert. Par contre, vous pouvez quand même attraper des coups de soleil avec cette espèce de nuage-là. Pareil, parce que les UV vont passer au travers des nuages. Mais avoue que c'est quand même bizarre de sortir, genre, il a neigé hier matin, puis là, se mettre de la crème avant de sortir. C'est un peu bizarre. Mais est-ce que tu savais que la neige est un excellent conducteur de UV? Donc, tartine-toi pas de neige. Non. Fais pas l'étoile par terre. Tartine-toi pas de neige, mais surtout, exemple, les skieurs ou les planchistes qui vont sur les montagnes et qui passent de grandes journées, bien souvent, on va les voir aussi pas de manteau parce que, bon, ils sont habitués, ils ont chaud et tout ça. Mais ils vont quand même se protéger parce qu'ils savent que la neige est un très grand conducteur des rayons UV et que ça peut endommager beaucoup plus la peau que durant l'été. Mais ça a du sens parce que tu vois le soleil refléter dessus puis ça fait des ça rebondit. C'est exactement, c'est comme un miroir. Donc de ce côté-là, c'est super dangereux. Donc on parlait tout à l'heure des fameux UVA ou UVB. Eh bien les UV, toutes ses réponses, oui, c'est ça. Les rayons UVA, c'est vraiment eux qui sont responsables dans la majorité des coups de soleil. Mais les rayons UVB peuvent aussi être en cause. C'est simplement que les rayons UVA sont plus forts que les rayons UVB et eux, ils vont rentrer directement jusqu'aux petits globules de votre peau et c'est ce qui va faire en sorte que à long terme, vos coups de soleil peuvent devenir très, très endommageables pour votre santé. Les UVB, c'est plus à court terme. Ça va être vraiment sur le dessus de l'épiderme de la peau et c'est à ce moment-là qu'on va dire « Ah, ben, tu sais, je pèle, là, c'est pas bébé grave, demain, je vais être rendue brune. » Mais ce que vous savez pas, c'est que les UVA ont déjà rentré complètement au travers de votre peau et ils sont présentement en train d'agir sur les globules et sur les, comment on appelle ça, les bulbes de votre peau et c'est ce qui peut causer de très grands dommages. Au contact des rayons solaires, la peau va se mettre à produire de la mélanine. C'est un pigment qui est responsable du bronzage, mais pour se protéger contre la brûlure continue à laquelle on est exposé. Donc, lorsque l'exposition au soleil est vraiment trop importante, là, pendant une grande partie de la journée, vraiment très longtemps, eh bien, une réaction inflammatoire de type allergique peut survenir. Tu sais, on va entendre souvent ça, des gens qui vont dire « Ah ouais, mais moi, je suis allergique au soleil. Ouais. » C'est peut-être parce que l'on passe... c'est niaiseux à dire, mais c'est peut-être parce que l'on passe trop de temps à l'extérieur au moment le plus intense de la journée. Donc, entre les heures que je vous donnais tout à l'heure, le 10h et le 14h, c'est peut-être parce qu'au fil des ans, on a passé trop de temps à l'extérieur entre ces heures-là où on n'était pas nécessairement super bien protégé contre les rayons UV. Et c'est là que ça va apparaître comme une espèce de coup de soleil, mais beaucoup plus gros. Mmh. Parce que là, à ce moment-là, on a une plus grande réaction que simplement un petit coup de soleil. Saviez-vous que les personnes blondes, rousses ou à la peau très claire présentent des taches de rousseur sont plus à risque d'attraper des coups de soleil? Oui, on sait, Alina, parce qu'ils sont plus pâles. albinos comme les crabes, oui, albinos de cétacés. Oui, exactement. Parce que justement, leur peau produit beaucoup moins de mélanine de façon naturelle, ouais, parce qu'elles sont très pâles. Et toutefois, il ne faut pas épargner ces personnes-là là, quand même. Et même les personnes à la peau noire sont susceptibles d'en contracter, mm-hmm, des coups de soleil. C'est bien rouge. Mais... Oui, c'est ça. C'est... On n'est pas racistes. Eux aussi pognent des coups de soleil. C'est ça. Voilà. Tout le monde. Et tout voilà. Le monde. Il y a l'épiderme des enfants aussi qui est beaucoup plus sensible aux rayons solaires que celui des adultes. Donc, si jamais vous êtes du style à sortir à l'extérieur, vous ne pas vous protéger, mais que vous êtes entouré de jeunes. Là, je parle d'enfants, là, vraiment entre 5 et peu importe l'âge. Là. Assurez-vous qu'eux vont se mettre de la crème solaire assez souvent. Oui. Surtout si vous êtes entre les heures de 10h et 14h, parce que comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est là le pic vraiment le plus important d'une journée où on va attraper les pires coups de soleil. C'est important, les enfants, si vous voulez vous protéger, mettez-vous des enfants partout sur le corps. Mm-hmm. C'est eux autres qui vont pogner les rayons à place. Oui, vous pouvez faire ça. C'est pas cher, ça. Je suis pas sûre que ça serait super bon, là. C'est mais... ça qui crème pareil, c'est correct. C'est vrai, hein? Les attaches avec du duct tape. Oh, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Je savais pas. Les vraies affaires, on moi, se dit. C'est ça. C'est ça qu'on se dit. Il y a des conseils d'experts en protection solaire. Ça existe. Et je vais vous dire tout simplement pourquoi je suis arrivée à faire cette chronique-là sur le soleil. C'est non seulement à cause de la météo des derniers jours, mais c'est aussi parce que, on le sait, l'été arrive et moi, la plupart du temps, l'été, je suis extrêmement à l'extérieur. Je travaille à l'extérieur et c'est des journées entre 8 et 8 heures. Donc, le hic, là, le fameux pic là, intense du soleil, moi, je le vis à chaque fin de semaine, à chaque jour de la fin de semaine. Donc, je cherchais vraiment une protection solaire qui allait m'aider à pouvoir vraiment pas avoir de dommages à long terme. Hey, tes amis vont être jaloux de ton tan. Ça va être débile. Tu vas t'appeler tan, la tan. Ben, de toute façon, je peux pas tanner. Je peux juste tanner du visage, un soute à grandeur. Ah, c'est vrai, comme un genre de gros manteau. Ça, ouais. Il doit faire chaud là-dedans. Oui, il fait chaud. Mais bon. Tout ça pour dire que ce qu'il faut savoir comme conseil de protection, c'est qu'il y a aussi des effets négatifs. Donc, je vous parlais tout à l'heure des rayons UV. C'est eux qui sont responsables vraiment des brûlures et du vieillissement. Donc, du vieillissement de la peau, le relâchement, les rides, le fameux teint terne et des taches pigmentaires et jusqu'à aller aux allergies cutanées. D'où l'importance d'une protection vraiment adéquate pour votre peau et pour surtout le type de personne que vous êtes. Si vous êtes genre à passer vos étés dans l'eau, ben allez pas chercher une protection solaire qui est contre l'eau. Ben oui. Faut quand même que vous vous informiez à savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Il est vraiment important de se protéger en tout temps. Tout à l'heure, on parlait, tu sais, c'est bizarre, là, tu sors dehors, il fait nuageux, mais tu te mets de la crème solaire. En théorie, on devrait. Mm-hmm. C'est ça l'idée et c'est si là. Si vous passez du temps dehors, pas juste pour aller genre. Oui, exactement. Tu rentres, sors. Non, c'est ça, on s'entend, là. Si vous rentrez dans votre voiture, vous allez au Walmart, vous sortez du Walmart, vous rentrez dans votre voiture, vous rentrez chez vous, ça vaut pas vraiment mettons, la peine. Mettons, vous allez prendre une marche, mettons, c'est de ça. Beaucoup de temps, là. Ouais. Oui, si mettons, de beaucoup de temps. Si vous marchez pour plus de, mettons, 45 minutes, à ce moment-là, c'est vraiment important de protéger votre peau parce que c'est souvent dans des journées comme celle-là qu'on s'en rendra pas compte, mais qu'on va endommager notre peau. Et comme je le disais, il est vraiment important de se protéger en tout temps, même lorsqu'on passe la journée à l'intérieur. Ah oui? Aha! Hey, voyons donc! Parce que si vous travaillez près d'une baie vitrée, là, comme nous ici là, en studio, tout à l'heure, tu me posais la question, est-ce que ça passe au travers des fenêtres? Eh bien, il faut privilégier des soins qui offrent vraiment une protection UVA élevée parce que les rayons UVA, eux, traversent le verre et c'est ça qui va vraiment engendrer le vieillissement de la peau. Ah oui! Oui, donc on parlait des types de rayons tout à l'heure. Il y a rayons UVA, UVB et UVC, mais les rayons UVC sont beaucoup moins endommageables. Donc ceux-là, on en entend beaucoup moins parler. Par contre, les UVA et les UVB sont souvent, je ne vais pas dire contradictoires, mais ils sont souvent inversés quand on va parler, exemple... avec une esthéticienne à la pharmacie, lorsqu'on va chercher une protection solaire ou quoi que ce soit, c'est que les gens ne savent pas très bien quels sont les rayons UV. Ah, mettre le mauvais sigle. C'est ça, exactement. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment de savoir que le UVA, c'est le pire des rayons UV. C'est celui qui va vraiment traverser vos fenêtres de maison, vos fenêtres de bureau, vos fenêtres de voiture. Si vous êtes à passer, je ne sais pas moi, 8 heures de route dans votre voiture au gros soleil, sachez qu'il faut aussi vous protéger parce que vous êtes tout le temps dans la même position. Ouais. Donc, vous êtes encore plus à risque d'attraper des coups de soleil parce que vous êtes toujours placé de la même façon pendant une très longue période et que les rayons UVA vont vraiment venir traverser et attaquer le fond. C'est logique aussi, en tant que tel, mettons, tu laisses quelque chose sur ton dash, comme on appelle ça. Mm-hmm. Puis ça va fondre tout le temps, hein, ça va être super, super chaud. Fait qu'imaginez si vous êtes camionneur ou chauffeur d'autobus ou chauffeur de taxi, peu importe. Ouais. Vous brûlez. C'est vrai, hein? Sur la fenêtre. Oui, oui, oui, tout à fait. Mm-hmm. Tout le monde devrait porter un soin avec FPS d'au moins 30 au quotidien. Parce qu'il faut savoir que FPS 50, c'est vraiment pour ceux qui ont un teint moyen ou plus foncé. Pour ceux qui ont vraiment une peau claire ou très sensible, on va y aller avec un FPS 60 et plus. Okay. C'est vraiment ça qui va venir protéger votre peau de façon maximale. Du FPS, là, c'est quoi? Les tout petites formules 10-15, le genre, là, ça va plus marier. Oui, c'est ça. Non. Okay. Ben, c'est que ça va y aller surtout avec le temps, c'est que vous allez devoir en remettre aux 15 minutes. Okay. Tandis que si vous y allez avec un FPS 50, c'est que ça va durer beaucoup plus longtemps sur vous. Dans la vie de tous les jours, été comme hiver, on suggère de porter un FPS 30 minimum, peu importe le type de votre peau. Donc, si vous êtes en hiver, vous n'êtes pas du genre à sortir super gros, portez quand même une crème solaire ou un hydratant quotidien, donc une crème, mesdames et messieurs, sachez-le, messieurs, votre peau aussi est à risque, avec un FPS dedans. Bien souvent, ça se voit de plus en plus, les crèmes vont avoir un FPS pour vraiment protéger votre peau, quand même bien que ce serait sous votre maquillage. Là, je m'adresse aux mesdames, quoique messieurs, si vous vous maquillez aussi. On l'a dit, pas raciste, on n'est pas rien non plus. Exactement. Donc, si vous êtes du type à vous maquiller, sachez qu'il y a une hydratation avec un FPS à l'intérieur avant d'appliquer votre maquillage, c'est ce qui va être le mieux pour vraiment protéger votre peau du visage. Est-ce que tu savais que... ouais, moi, je suis là, puis je me fais. Est-ce que tu savais que les écrans solaires teintés, donc avec une espèce de petite brume de couleur ouais, à l'intérieur... Ouais, un spray tan... C'est pas vraiment un spray tan, parce que si tu te laves automatiquement, ça va partir, mais c'est vraiment un écran solaire teinté. Bizarre. C'est que ça sera pas blanc et que ça sera pas huileux. Ce sont les meilleurs alliés des femmes en été. Ah ben! Ah oui, madame! Écoutez-moi! Là, ça, moi, ça m'a parlé 100 000 à l'heure, mais la meilleure façon de s'assurer d'avoir vraiment un visage bien protégé des rayons UV pendant la saison de l'été, c'est bien évidemment d'appliquer de la crème solaire après la crème hydratante et avant de faire son maquillage. Oui, c'est beaucoup de choses à retenir. Être une femme, c'est beaucoup de choses, bon. Point. Okay? Mais il faut savoir aussi que c'est très bien de traîner dans son sac avec nous une crème... une bébé crème qu'on appelle... Oui, une bébé crème. C'est une crème hydratante, mais qui n'est pas comme une consistance de fond de teint. Hey, là, je suis en train de te donner le cours. Ah, je suis ouvert à ça, là. C'est une crème hydratante teintée avec des bienfaisances de crème vraiment très, très productives. Elle produit beaucoup de... Oui, c'est ça. Crème productive au niveau de l'hydratation pendant la journée, mais tu n'auras pas la lourdeur d'un fond de teint et bien souvent, ça ne va pas être simplement de la couleur que tu vas étendre dans ton visage parce que, justement, c'est de la crème hydratante qui est teintée. Mais sachez qu'une crème, une bébé crème, comme je l'ai indiqué, avec un indice d'FPS élevé à l'intérieur ou encore un soin solaire, donc une crème solaire souvent en spray teinté, c'est vraiment comme ça qu'on va toujours être prête à une sortie en terrasse sans vraiment avoir à recommencer son maquillage à zéro après être partie de la plage, mesdames. Et un des meilleurs conseils, je crois, qui est de donner lorsque on veut protéger notre peau, c'est vraiment d'y aller avec toujours attendre 30 minutes après l'application de votre soin solaire avant de sortir. Okay. Donc, prévoyez ça. Si vous êtes genre à vous dire, OK, moi, je me maquille à telle heure, puis dans 25 minutes, je suis partie. Bien, prenez le temps de vous dire que ça prend minimum, 30 minutes avant que votre soin solaire fasse effet sur vous. Donc, dans ça là, si vous êtes du type à le mettre automatiquement lorsque vous sortez, erreur. Faites attention à vous. Surtout si vous êtes dans le moment le plus intense de la journée, là. Mettez-le 30 minutes avant, sinon vous allez cramer. Et bien souvent, c'est ce qu'on dit aux gens qui sont tatoués avant de sortir à l'extérieur. Ceux qui se font tatouer en été, on va vraiment leur dire d'appliquer les soins pour le tatou et la fameuse petite crème hydratante avant de sortir à l'extérieur, au moins 30 à 45 minutes avant, pour pas que le soleil crispe tout ce qui vient de se faire au niveau du tatou. Donc, c'est un petit peu sensiblement pareil de ce côté-là pour... pour l'hydratation et le soin solaire en tant que temps. Donc 30 minutes avant de sortir à l'extérieur, on y va et on met un bon une bonne protection solaire. Et voilà. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Moi, je vais terminer avec... tu parlais de soleil tantôt pour se réveiller le matin. Tout oui. Ça, bon. C'est ma sœur qui m'a envoyé ça tantôt. Ça faisait longtemps que je magasinais ça. Mais elle a essayé en... elle a pas essayé, en fait. Elle l'a vu en réel. Et ça a l'air vraiment cool. C'est la lampe Philips Éveil Lumière HF 3520. OK. Hein? Qui est... je sais pas si c'est en spécial quelque part, mais en tout cas, ça a l'air vraiment cool. Et c'est comme un genre de mini-soleil. Tu sais, le matin, quand t'as de la misère à te réveiller avec ton cycle de sommeil, puis que, comme moi, t'as un rideau qui bloque le soleil complètement, mais que tu veux pouvoir te lever avec le soleil, entre guillemets, ben, ça vient un petit peu remplacer ça avec une alarme. Okay. Ça va graduellement ouvrir la lumière comme si c'était... Ça va comme si c'était le soleil. Faire une imitation du soleil pour te réveiller en meilleure forme. Puis après ça, là, c'est à toi de peut-être ouvrir le rideau, ça, pour avoir le vrai soleil. Mais te réveiller avec le soleil doit être pas mal plus plaisant que te réveiller avec une alarme. Oui, vraiment. Oui, c'est sûr. Quand on a le temps aussi, hein. Ouais, voilà. Et souvent, il y en a qui vont travailler tôt le matin, ils n'ont pas vraiment le temps de se lever avec le soleil. Mettons à 5 heures, mettons le matin. Mettons, là, comme nous en hiver. Là. En hiver et à l'automne. C'est ça. Donc voilà, la Philips Éveil Lumière HF 3520, si ça vous intéresse. Je mettrai peut-être le lien sur Facebook si je pense tantôt, mais je pense jamais. On va y penser. Tania, oui. Note de programmation. Oui. Tu commences ton émission la semaine prochaine, mercredi. Et cette semaine? Cette semaine, là, comme demain. Là. Parle-nous-en. Demain en piste avec Tania Baudin, ça va être la première de la saison. On va essayer de faire un petit peu comme l'année dernière, de suivre plusieurs séries, que ce soit québécoises, canadiennes ou internationales. Série de courses de chars. Série de courses de chars, comme tu le dis si bien. Et on va aussi, encore une fois, comme l'année dernière, essayer d'être très, très avant, pendant et après les événements. Donc, avoir des entrevues avec les pilotes, avoir des entrevues avec les gens qui sont dans le domaine de la course automobile, que ce soit des relations de presse, que ce soit les pilotes ou que ce soit encore des mécaniciens. On sait jamais, bien souvent, ces gens-là ont beaucoup de choses à dire. Donc, on va essayer d'avoir de plus en plus, non seulement des pilotes qui vont venir nous parler de ça en studio ou au téléphone, mais vraiment d'y aller très, très vague sur le domaine du monde du sport automobile. Donc, en piste avec Tania Baudin à partir de mercredi, donc le 18 mai, à 14h. Exactement. Tout juste avant le Mathieu Plancho. Oh, la plug est faite. Merci, Tania. Bonne émission demain. Merci beaucoup. On prend une pause. Et au retour, enfin, on va prendre une pause musicale. T'sais. On va prendre une pause musicale. On va parler de caoutchouc un peu avec la pièce de Laura Sauvage ou Laura Savage. Voici Rubber Skin à l'Assemblage Rocky. Ça, c'est fou. Laura Savage avec Rubber Skin, une nouvelle entrée du palmarès anglophone à Assemblage Requis. Au retour de la pause, c'est une grosse pointe à l'adresse. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Aujourd'hui. Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis pour la semaine du 16 mai 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Blanc. Oh oui. Et on a faim. Tania, tu viens de finir ton sac de petits raisins. Oui. Tu l'as en bouche en plus pendant que tu nous dis ça. Mm-hmm. T'avais des raisins verts et mauves. Rouge. J'espère que tu t'es... Rouge? Ouais. C'est pas mauve. Ouais. Non, c'est rouge. J'espère que ça t'a pas coupé l'appétit. Mais non. C'est pas que non. Parce que là, c'est le moment d'une grosse pointe d'adresse. Oh là là. C'est une grosse pointe d'adresse, la grille dans laquelle on mange ou on boit un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit de malbouffe acheté en épicerie ou en dépanneur. Peu importe, on a toujours faim ou soif pour quelque chose qu'on ne devrait pas boire ou manger. C'est vrai. Hein? Aujourd'hui, Tania, je te mène un produit que ça faisait quelque temps que je voyais passer sur Facebook. OK. Ça arrive souvent que Facebook, j'imagine que c'est parce qu'ils me connaissent puis qu'ils voient que je poste des photos de fast-food parce qu'ils explorent et ils voient tout ce que je fais sur les réseaux probablement. Sociaux. Donc, il n'y avait pas de me passer ça. Puis là, j'allais à l'épicerie. Puis à l'épicerie où je vais, il y avait même une pancarte annonçant le produit la semaine passée, ou voilà deux semaines. Et j'ai cherché le produit et je ne l'ai pas trouvé. Okay. Donc, cette semaine, quand je suis passé, que je l'ai vu, j'ai même pas vu les pancartes cette semaine, j'ai vu juste le produit. J'ai fait comme what? Le v'là enfin arrivé, ils ont mis les pancartes beaucoup trop de bonheur pour qu'on comprenne. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est les triscuits assaisonnés de gouda fumé. Ouh, fancy, hein? Ah ouais. Là, tu me jases. Oh, c'est le fun, on aime le fromage tous les deux, même si on est tous les deux intolérants au lactose. C'est terrible. Mais je pense que quand tu peux pas prendre quelque chose, c'est ce qui t'en donne envie. T'en veux de encore prendre, plus, ouais, c'est ça. Donc, triscuits assaisonnés de gouda fumé. Il y a aussi d'autres saveurs de craquelin triscuits et des recettes sur facebook.com/triscuitscanada, nous disent-ils. Ils conseillent sur leur boîte en disant quelle saveur sera nourrir votre inspiration. Il y a triscuits faible en sodium. Je pense pas que ça va inspirer grand monde à grand chose, ça. Eh oui. Nature qui goûte rien, mais qui en plus pas de sel. Ça goûte quelque chose, les triscuits naturels en passant. Ça goûte le carton un peu. Mathieu, je pense que le prochain, une grosse pointe d'adresse, je vais t'amener que des choses bonnes pour la santé. Ben, pour. Toi, tu vas faire fast food, moi, je vais faire bonne pour la santé. Je sais que t'étais pas une auditrice fidèle d'Assemblage Requis avant de t'embarquer dans l'émission, mais c'était le rôle que Stéphanie Paradis avait. Et voilà. Elle amenait genre des craquelins aux petits pois, des affaires comme ça, des affaires qui sont comme fades et plates, mais qui finalement sont quand même pas mauvaises, bon, qui sont bonnes pour toi. Je vais continuer la lancée de Stéphanie dans ce cas. Un an plus tard, mais oui, voilà. C'est ça. Merci Stéphanie. Ça fait littéralement un an qu'on n'a pas vu Stéphanie en tant que co-animatrice. Mais non, elle est venue co-animer un quiz à un certain moment. C'était chroniqueuse. En tant que co-animatrice, ça fait depuis le mois d'août passé ou juillet passé. Oui, t'as raison. Bref. Triscuit, assaisonné de gouda. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de parler des ingrédients. Donc, blé entier, huile végétale, assaisonnement. Évidemment, il y en a beaucoup. L'assaisonnement, en fait, la liste au complet. Après le blé entier, l'huile végétale et les assaisonnements, il n'y a pas d'autres ingrédients. C'est assaisonnement qui contient un paquet d'autres affaires. Ah, en tant que tel, il y a juste ces trois ingrédients-là. Ça contient du blé, du lait et de l'orge. 17 grammes de grains entiers par portion de 19 grammes. Ça dit que le contenu de cette boîte mesuré au poids a pu se tasser au cours de l'expédition. Donc, le poids en tant que tel pourrait ne pas être exact sur la balance. J'imagine que c'est ce que ça veut dire. C'est marqué c'est nouveau. C'est tellement bizarre. C'est marqué ça sur bien des affaires. La boîte est faite à 100% de matière recyclée. Cool quand même. Donc, Tu sais que je suis pas capable de garder de secret de nos auditeurs, les petits non, requins. Non, je sais. Les requins veulent tout savoir. J'ai, sans faire exprès, ouvert la boîte chez moi en pensant que c'était mes craquelins normaux. Parce que j'avais acheté une autre boîte de, d'autres craquelins. Donc, j'ai mis du tape dessus. Okay? Mais je préférais que tu l'ouvres en dessous pour qu'on entende le décapsulage de la boîte. Donc, je t'envoie ça. Rip. Pour le micro magique qui nous attend pendant 7 jours et qui est donc bien fin, il faudrait le flatter un peu. Là, là par exemple, ça va-tu comme tout tomber de l'autre bord? Non, mais la boîte, dedans la boîte, il y a un emballage de... OK, tu l'as pas ouvert l'emballage. Non, j'ai juste ouvert la boîte en tant que tel. Je viens de comprendre pourquoi il y a un côté qui est vraiment censé être ouvert, c'est qu'il est beaucoup plus facile à ouvrir. Il met plus de colle en dessous, je pense, pas mal plus de colle. OK, on y va. Oh! Quand même. As a champion. C'était pas si pire. Oui, hein? Ah, il y a plus de carton aussi en bas. Ah, ouais, ouais. Bon. Bon. Ça va être le fun, ça, pour là, j'arrive d'une petite graine de biscuits, là. Tu sais, le fond de boîte, là, en fait. Fait que ce que je vois, c'est même pas des triscuits encore. Non. C'est vraiment les triscuits qui ont été endommagés durant le transport. Non, il y a un emballage dedans, sûrement. Oui, c'est ça. OK. Attention, le petit sac. Ils sont très pâles, hein, comparé aux autres triscuits. OK. Je vois ça à travers le sac, là. Oh, j'ai ça, les sacs de triscuits. Ils sont vraiment difficiles à ouvrir. Tu l'ouvrais de l'autre bord. Puis tu enlevais le sac, tu l'ouvrais de l'autre bord. Ah oui, facile je à ouvrir ça, l'autre bord. OK. J'imagine. Ah, je pense que t'as raison. Ouais, c'est ça. C'est juste la boîte qui est portée là-dedans. Ah, ouais. On y va pour le bon côté de la boîte, mesdames et messieurs. Voilà. Voilà. Ah, c'était si facile de ce côté. On passe au jour, genre, une minute à ouvrir l'autre bord. Hey, ça sent vraiment le goût de fumée, là. Je le sens, comme intensément goût de fumée. Je pense que je le sens. Oh, j'aime ça. Ah, ça va être bon, ça. Je pense que je me baignerai dedans. Ah, ouais. OK, je m'en prends deux, puis je te repasse la boîte, Mathieu. Merci. Merci beaucoup, Tania. Ah oui, ça sent tellement bon, ça le goût. Ça sent bon, hein? Ah, j'adore cette odeur-là. Donc, je vais en prendre un. On va regarder. Oui, tu disais qu'il est plus pâle. On le voyait un petit peu sur la boîte, mais ils sont encore plus pâles que sur la boîte. C'est vrai. Sentons de proche. Ça sent le goût de, là. Ça sent le fumé aussi. Ah oui. T'as vraiment envie que ça goûte ça, là? Ben, moi, j'aime vraiment beaucoup le goût de fumé à la base. C'est sûrement mon préféré. Là, moi avec. Suisse, peut-être Suisse en première place. J'aime beaucoup, beaucoup le Suisse. Non, pas moi. Mozzarella? Ah oui, là, si on y va avec, mettons, bocconcini puis tout ça, là, on tombe dans mes cordes. Mais pour un petit fromage là, de semaine, un goût de fumée, là. T'as raison, un petit fromage de semaine, parce que les autres, les plus chers, t'es gardes pour les moments spéciaux. C'est ça. OK, allons-y. Oh my God! C'est parfait! Ça goûte exactement le goût de fumée. Je m'attendais à ce que ça goûte encore moins que ça. Mais triscuits goûtent toujours extrêmement fort. Les saveurs de triscuits sont toujours exactes. Et c'est le cas. C'est merveilleux. Triscuits, pour vrai, c'est la vie pour moi. Je mangerais juste ça comme repas aujourd'hui parce que j'ai pas d'argent. Avec de l'humus. Avec de l'humus. Je suis pas capable de me permettre ça. Ah, OK. Est-ce que tu as déjà goûté au triscuits au vinaigre balsamique? Oui. D'abord, est-ce que tu aimes le vinaigre balsamique? J'adore. C'est très bon. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé le goût aussi. Parce que, comme tu dis, le goût est très, très représentatif. Puis là, vraiment, là, ici, là, c'est du pur bonheur dans ma bouche. Vraiment. Je pense que mes triscuits préférés, c'est romarin huile d'olive. Mm-hmm. J'adore. Il y a poivre concassé et autre chose que je me rappelle pas c'est quoi. Hey, j'en veux un deuxième. Faut que j'arrête parce que là, je vais faire du bruit. C'est fou, hein? Ça sent, ça goûte le gouda fumé. C'est parfait. Pouce en l'air et très, très haut. Oh, ouais, vraiment. C'est dur à avaler, par contre. C'est magnifique. C'est vraiment long à marcher. On va vous cruncher ça dans les oreilles pendant quelques temps. Soyez patient, tout le monde. Soyez indulgents. c'est le moment maintenant, là. Je suis pas capable d'avaler. Okay. J'ai pas d'eau, en plus. T'sais. C'est le moment de parler de nouvelles fast-food, Tania. Oui, ben oui. Parce que, comme à chaque fois... Lorsqu'on fait une grosse pointe en dresse, on vous lance des nouvelles publicités ou des nouveaux produits qui viennent de sortir ou qu'on n'a pas encore ici. Surtout dans le reste du monde. C'est rare qu'on puisse se procurer ici. Donc, commençons par Hershey qui amène le nouveau sirop chocolat Simple Five. Okay. Simply Five, pardon, il y a une erreur dans le titre ici. Simply Five. C'est une version plus simple de leur sirop à saveur de chocolat, signature Hershey, qui est quand même très populaire. C'est fait avec seulement 5 ingrédients. C'est pour ça que ça s'appelle Hershey's Simply Five Syrup. Les 5 ingrédients listés sont cacao, eau, saveur naturelle venant de la vanille, du sucre de canne et du sirop de canne inversé biologique. Organic Invert Cane Syrup. Les raisons de l'acheter, c'est qu'il n'y a pas de sirop de maïs teneur élevée en fructose, le high fructose corn syrup. Okay. Il n'y a pas d'agent de conservation artificiel, ni de saveur artificiel, et aucun ingrédient OGM. En comparaison, les sirops chocolat de Hershey normalement ont du sirop de maïs, du sirop de maïs à teneur élevée en fructose, de l'eau, du cacao, du sucre, du sorbate de potassium, je crois, du sel, mono et diglycérides, gomme de xanthane, polysorbate 60 et de la vanilline. Donc c'est quand même beaucoup d'ingrédients et pas nécessairement des choses qui sont tout le temps bonnes pour vous. Donc le Simply 5 va venir en bouteille de 21,8 onces, va être disponible partout aux États-Unis pour environ 3,30 américains. C'est sûr que ça va venir au Canada. C'est Hershey, c'est multinational. Ouais, ouais, ouais. En temps normal, ce que Hershey sort ailleurs, il vient ici. Si c'est pas déjà disponible d'ailleurs. Ensuite, un petit Spotted. On l'a parlé la semaine passée. Je crois que c'était de produits qui étaient rouges et bleus pour célébrer les États-Unis, étant donné l'année d'élection. Donc, continuons avec le même genre de principe, avec des Rice Krispies, avec des Krispies rouges et bleus. Évidemment, ça goûte la même chose que les Rice Krispies, sauf qu'ils sont disponibles en rouge, en bleu et en normal dans la même boîte. Et c'est marqué que c'est parfait pour faire des carrés Rice Krispies patriotiques. Ben oui, rien de moins aux États-Unis. Évidemment, c'est parfait. Ensuite, chez Einstein Brothers aux États-Unis, on amène le nouveau bagel Twist and Dip. Je trouve le concept vraiment intéressant. Ouais. Donc, c'est un bagel normal, mais qui se défait en se détorsadant, si on veut. Okay. Un peu comme on ferait avec un croissant. Ouais, c'est ça, je m'allais dire, comme un croissant. Un croissant que tu peux défaire en le tournant un petit peu, ça fait des plaquettes de croissant. Même chose pour le bagel. Ça se détache un peu comme sinon une croûte de pizza avec les bouchées pour tremper dans de l'ail. C'est un peu la même chose. Donc, tu tords le bagel et ça te fait un bout de bagel que tu peux tremper facilement. Et ce qui est le fun, c'est que tu peux faire de la presque double trempette en défaisant un morceau, tu trempes, tu manges, tu peux après ça prendre l'autre bouchée et tremper, tu n'auras pas mordu à même le bagel. Clairement. Très, très fort. Donc, elle peut être défait en segments et trempé dans votre trempette. Et chez Einstein Brothers, ça vient avec deux trempettes différentes, ce qui est vraiment cool aussi. Évidemment, c'est seulement aux États-Unis, mais vous pourriez vous-même vous faire vos propres bagels défaisables en morceaux. Un autre... celui-là, Il y a quelqu'un qui a passé, qui a fait quelque chose de drôle. Ouais, c'est oubliez ça, mais ce qui est drôle aussi, c'est le prochain. Écoutez bien ça. C'est des sandwichs au beurre de pin et confiture, mais qui sont achetables en boîte. Mais est-ce que tu les fais toaster? Ils ont l'air de des strudels. Tu peux les faire toaster, c'est ça qui est vraiment cool. Donc, ça s'appelle les PB&J Pockets, donc P-E-A. B&J Pockets, parce que c'est fait avec des golden peas. Ooh. Des petits pois dorés qui remplacent le beurre d'arachide pour ceux qui sont intolérants ou allergiques aux arachides. Donc vous allez pas, c'est marqué dans la petite bulle, vous ne croirez pas que ce n'est pas du beurre d'arachide. Donc PB&J Pockets, c'est des sandwichs pas de croûte, sauf que les croûtes, ben, il n'y a pas de croûte, mais ils ont comme aplati les côtés pour faire un genre de petit gondolage, mettons. C'est 9 grammes de grains entiers. Pas de saveur artificielle, pas de saveur synthétique, pas d'agent de conservation synthétique et aucun sirop de maïs à teneur élevée en fructose. Il l'a aux fraises, il l'a aux raisins, évidemment, encore une fois, aux États-Unis. À l'intérieur, t'as l'air d'avoir... C'est sûr qu'il faut pas se fier aux emballages parce que l'autre fois, c'est quoi le produit qui montrait? Ah, c'était les Joe Louis. Oh mon Dieu, les Joe Louis au beurre de peanut. Ah, la semaine passée, échec total. Et ça avait l'air tellement bon. Il avait l'air de tellement avoir beaucoup de beurre de peanut sur la... l'emballage, puis du moment qu'on a croqué dedans, puis... C'était vraiment décevant. J'en ai remangé à la maison. Ouais. C'est notre produit qu'on a goûté la semaine passée. C'est toujours aussi plate et fat. Toujours aussi décevant. Désolé, mais Joe Louis, non, ça ne marche pas. Alors que celui-là, sur l'emballage, en tout cas, a l'air d'avoir beaucoup de faux beurre de pinot et de fausses confitures. Ça a l'air super, super bon. Un jour, peut-être, pourrons-nous essayer ça dans notre contrée. Ensuite, chez Burger King, qu'on va maintenant toujours aux États-Unis, c'est leur nouveau Burger King Whopper Dog. Tu connais chez Burger King les Whoppers? Ouais. Que certains au Québec appellent les Whoppers. Les Whoppers. Mais il y a juste un O. Deux P. Si vous voulez doubler une lettre, dites donc des Whoppers au P. Des Whoppers. Pas des Whoppers parce qu'il n'y a pas de O. Donc, il y a Burger King qui amène la série de Whoppers à leur hot dog. Ça, c'est évidemment une saucisse grillée sur le grill avec 100% bœuf. Ensuite, de la laitue, tomate, oignon, cornichon, ketchup, mayonnaise sur un pain fluffy. 380 calories. Ça a l'air super bon. C'est les mêmes ingrédients qui accompagnent un Whopper, dans le fond, sauf que la boulette est remplacée par une saucisse. Comment tu fais pour rentrer ça dans ta bouche tout d'un coup? Tu coupes avec une fourchette et un couteau? Non. C'est ça, hein? Je sais pas. Parce que c'est gros, là, quand même, là. Oui. T'as vu, pire. Pickle, oignon, tomate, salade. Hein? C'est beaucoup de stock. Beaucoup de stock à se mettre dans la bouche. Chez Krispy Kreme, toujours aux États-Unis, on vous sert des petits beignets brillants avec des sparkles dessus. Oh, c'est cool. Donc, Krispy Kreme, South, en Corée du Sud, pardon, c'est pas aux États-Unis, c'est en Corée du Sud. C'est donc les Rainbow Glass Donuts avec un petit glaçage coloré et brillant. C'est des beignes originaux, donc original glazed, avec un glaçage de saveur éclatant. Voilà. Okay. 5 différentes couleurs pour imiter l'arc-en-ciel. Donc, t'as Purple Glass, mauve. T'as le Green Glass, vert. T'as jaune, t'as orange et t'as rouge. Le Purple Glass, c'est à saveur de bleuet. Green au kiwi. Jaune à la mangue. Orange à l'orange. Et après ça, à part le thème des fruits, là, on s'attendrait à de la cerise ou des fraises, mais Red Glass est à la place la saveur du Red Velvet. Ah ouais! Miam. Ah, OK. Un seul beigne pour 1500 won, donc 1,28$ américain. C'est pas nouveau dans la chaîne, mais c'est même offert en fait au Royaume-Uni. Par contre, chez Krispy Kreme UK, on offre seulement le Strawberry Glass au lieu d'avoir toute l'arc-en-ciel. C'est un petit peu bizarre, mais ça a l'air vraiment bon. Mm. Ensuite, un autre Spotted, ça c'est... est-ce que c'était celui-là que je voulais vous dire? Oui, c'est des mashed potato bites que je trouve vraiment cool. C'est des bouchées de patates pilées au beurre. Donc un peu comme on peut faire des patates pilées congelées. Après ça, ils sont comme en cube, après ça, ça va comme fondre dans le chaudron pour faire des patates pilées avec. C'est super bon, essayez-le. Mais là, c'est des bouchées de patates pilées. Donc on va mettre dans la friteuse ou on va mettre dans de l'huile ou peu importe. Il l'a à saveur de beurre et à saveur de 4 fromages. Ils conseillent de tremper ça dans du sriracha, ketchup, crème sûre, des bouchées de patates pilées panées. Ça a vraiment très bon. C'est des patates pilées mélangées avec du cheddar, mozzarella, parmesan et romano dans une petite panure légère. Alors que l'autre, c'est des patates au beurre pilées mélangées avec du beurre encore plus. Patates pilées crémeuses mélangées avec du beurre dans une panure légère. Donc, c'est de la compagnie Orida aux États-Unis. Je sais pas s'il y a de ce genre de produit-là ici, mais j'en veux. Ensuite, un livre de cuisine de Pokémon qui vous aide à créer des Poké-repas. Hein? Pokémon qui est toujours aussi populaire depuis très très longtemps, des décennies. Maintenant, vous pouvez faire vos propres desserts et autres repas à thématique Pokémon avec le livre Maki Kudos, The Pokémon Cookbook, Easy and Fun Recipes, qui s'en vient en Amérique du Nord le 6 décembre prochain 2016. Le livre de cuisine contient 35 recettes basées sur les personnages préférés de la franchise, entre autres Pokéball Sushi Roll, Pikachu Style Ramen et Mashed Meowth Potatoes. Donc, avec trois des personnages les plus connus. En plus, il y a des belles petites photos de quoi ça va avoir l'air, la tête de Pikachu, etc. Donc, ça vaut 15$ le livre à partir du mois de décembre prochain. Ça pogne encore, ça, puis oui, Pikachu, plus puis que Pokémon. Jamais. Il y en a des nouveaux qui s'en viennent très bientôt. Nouveaux Pokémon? Des nouveaux jeux Pokémon Sun et Pokémon Moon. Oh, ouais. Avec trois nouveaux starter Pokémon, dont le petit fuck clown dont tout le monde rit en ce moment sur Internet. Ah, OK. Moi, je le trouve vraiment cute, le petit clown fuck. Otari, peu importe. Je le trouve beau. Moi, je vais choisir. Je trouve qu'il a l'air un petit peu rejet parce que les gens, c'est sur les trois, les gens, ils préfèrent le chat en feu, OK? Mm-hmm. Puis ils préfèrent un genre de hibou, OK? Ça, c'est les deux qui sont préférés. Puis le troisième, Poplio, quelque chose de genre, là, les gens, ils l'aiment pas. Fait que moi, je l'aime. Parce que j'aime l'underdog. Bon. Tiens, parlant de Pokémon, souvent, il faut être drogué pour aimer ça. Donc, c'est pas vrai. Donc, les drogués peuvent être très heureux de voir arriver le Nutella au weed. Hein? Mais c'est évidemment pas un vrai produit. C'est un vrai produit, mais c'est pas un vrai produit de Nutella, tu comprends? OK. C'est pas la compagnie de Nutella. Tu peux vraiment acheter ça. Donc, c'est le Crontella. C'est un Nutella au weed. Ça va vous coûter 23$ par pot. C'est présentement disponible au Canada, dans les endroits où on peut acheter de la drogue. Donc, les dispensaries pour la drogue médicale, pour ceux qui ont un permis pour avoir de la drogue médicalement parlant. Comment ça s'appelle, c'est la carte, là? Une carte pour ça, genre? Oui, mais je ne sais point comment elle s'appelle. Je connais zéro ça. Bref, c'est ça. Il y a du weed dans votre Nutella et au Canada. Donc, renseignez-vous si c'est le genre de choses qui vous intéresse et que vous êtes médicalement encouragé à le faire. Ensuite, tiens, un festival de nourriture gratuite qui est fait complètement de déchets alimentaires. Ouais, beaucoup d'Américains achètent de la nourriture qui passe directement du frigo à la poubelle. Ça m'arrive beaucoup moi-même. Malheureusement, j'ai honte de l'avouer, mais ça m'arrive d'acheter de la nourriture. Jusqu'à 40% de la nourriture qu'on consomme est gaspillée à chaque année. C'est l'équivalent de 20 livres de nourriture par personne par mois. C'est beaucoup. Donc, si on veut trouver une meilleure façon d'arrêter la faim aux États-Unis, peut-être qu'on devrait repenser à ça. Et c'est ce que les chefs essaient de faire au Feeding the 5000 à New York City et à Washington D.C. ce mois-ci, selon Fast Company Exist. Voilà. Donc, à ce festival alimentaire qui est arrivé donc au Manhattan Union Square, on offre de la nourriture gratuitement. Les petits kiosques vont pouvoir offrir de la nourriture qualité restaurant comme des tartes, des biscuits, des salades rustiques. Mais ce qui n'est pas apparent au premier regard, à la première vue, c'est que tout est fait à partir de restants de table. Donc, que ce soit des plures de légumes, des trucs comme ça que les chefs jetteraient normalement. Mm-hmm. Maintenant, ils utilisent ces déchets-là pour faire de la nourriture parce que ça reste mangeable. Oui, c'est ça, c'est surtout ça. Il faut le dire. Là. Oui. Ils l'ont pas pris dans la poubelle puis ils l'ont sorti de là. Pas passé date non plus. Exactement. Donc, avant d'amener ce festival-là aux États-Unis, cette organisation environnementale Feedback fait d'autres événements similaires dans le monde, en Europe et en Australie. Donc, maintenant, c'est arrivé aux États-Unis. C'était donc au... Regarde, il y a un événement qui se passe demain. Le 18 mai au Woodrow Wilson Plaza dans le comté... pas le comté de Washington, mais le district de Washington. Oui, exactement. Pas un état encore. Ensuite, les chats, maintenant, on passe aux chats. C'est les chats qui ont aidé la nouvelle campagne publicitaire de Friskies et leur nouveau plat chez Friskies. Okay. Donc, les chats, c'est connu, sont assez difficiles. Ma chatte, entre autres, ne boit pas de lait. Elle ne boit que de l'eau. Et ne boit pas de nourriture humide, elle ne mange que de la nourriture sèche en petite crotte. Donc les chats des fois sont un petit peu snob, ça arrive. Mm-hmm. Mais Friskies le sait et Friskies veut leur faire plaisir, donc ils ont amené les produits Cat Concoctions. Donc c'est de la nourriture humide qui va avec des saveurs qui ont été créées par les chats. Ok. Ouais. Donc la compagnie a décidé de laisser les chats choisir leur saveur, même si les humains ont dû les aider un petit peu. Les scientifiques de Friskies ont pris des saveurs que les chats aimaient déjà et les ont mis ensemble dans des variations bizarres. Et ensuite ils ont donné la nourriture aux chats dans leur usine, dans leur emplacement de Saint-Joseph au Missouri. Donc ils leur ont donné différentes combinaisons pour voir lesquelles ils allaient aimer le plus. Donc ils leur ont donné littéralement à chaque chat deux bols et leur demandé de choisir leur préféré. Ça dit que plusieurs chats ont été adoptés ensuite par des employés de chez Purina, qui est la compagnie derrière les Friskies. Donc basé sur comment les chats mangeaient, donc la quantité de nourriture qu'ils mangeaient, des saveurs étaient soit éliminées ou ils passaient à la prochaine ronde, un peu comme un système de braquettes au basketball. Donc quatre saveurs ont été choisies à l'ultime, à la fin. Donc saumon, scrumptious salmon and chicken liver dinner pâté. Donc pâté de foie, de poulet et de saumon délicieux. T'as chicken and creamy crabby sauce, donc un poulet dans une sauce aux crabes crémeuses. Mm-hmm. Okay. T'as cod and cheesy bacon flavored sauce, donc une sorte de poisson dans une sauce à saveur de bacon fromagé. Okay. Et t'as lamb and clam flavored sauce, donc lamb, c'est de la chèvre. Si je me souviens bien. Sheep, c'est mouton, lamb, c'est chèvre, je crois. Dans une sauce aux fruits de mer. Clam, c'est une sorte de fruit de mer, je ne me rappelle pas lequel. Donc, les saveurs ont quand même plusieurs fans, entre autres Grumpy Cat. La propriétaire de Grumpy Cat, Tabitha Bunsen, a dit que Grumpy aimait beaucoup la saveur Cod and Cheesy Bacon Favorite Sauce. Okay. Fait que si le Grumpy Cat aime ça, j'aimerais peut-être ça moi aussi. Hein? Ça s'appelle Cat Concoctions par Purina Friskies. Ensuite, un bagel avec surdose de Oreo à l'intérieur. C'est le Bagel Nook, un restaurant de Freehold dans le New Jersey qui vient de créer un Frankenfood appelé le Oreo Overload. C'est dans le fond un bagel au Oreo, mm-hmm. rempli d'Oreo et de fromage à la crème à saveur d'Oreo. Aïe aïe. C'est apparemment super délicieux. Selon des gens sur Instagram, c'est la meilleure chose qu'ils ont jamais mangé. Ouais, mais tu dois pas pouvoir le finir, là. Tu dois mourir à un moment donné. Ah, peut-être à partager, je sais pas. Mais Colin, le bagel lui-même est comme un genre de marbré blanc et chocolaté, tu sais. Nature et chocolaté. À l'intérieur, t'as comme une crème, fromage à la crème au chocolat et à la crème d'Oreo. Et t'as des Oreos dans le milieu qui sont comme écrapoutis avec la crème et le biscuit. C'est terriblement géant. Oh! Malade. Ça a l'air malade. Faites ça à la maison. Vous pouvez le faire vous aussi, là, pour vrai. Je pense oui, même que Philadelphie offre un truc au chocolat. Oui. Il me semble que... Oui, hein? C'est ça? Confirmé? Mm-hmm. Ça a l'air super bon. Faites-en. Tiens, on reste dans le même domaine, si on veut, un bagel à un bang maintenant. C'est des bangs remplis d'intérieur de cannoli. Je mélange tout le temps entre les cannoloni et les cannoli. Mais oui. Cannoli, c'est le truc là, dans les petits puff pastries. C'est sucré. Ça. À la crème glacée, si on veut, genre. C'est comme si pas les mangeant de gros plats hermétiques. Là. C'est super bon. Donc, cannoli. Et il y a ça à l'intérieur d'un bang. C'est chez Madavera's Bakery à Spring Hill, dans la Floride. Pour satisfaire vos envies. Mais sinon, évidemment, c'est une suggestion aussi de recettes. Pourquoi ne pas faire vous-même vos propres beignets au cannoli. Voilà. Ensuite, c'est des bombes au bourbon et aux brisures de chocolat qu'on peut acheter. C'est dans une, c'est fait en petite batch à Houston, au Texas. Les Chocolate Chip Bourbon Bombs. Ça combine plusieurs desserts en un seul. Donc, c'est des morceaux alcoolisés qui prennent des briseaux de chocolat semi-sucrés, comme dans les biscuits typiques, des pacanes. Et ça remplit ça, je sais pas si ça le trempe dedans, mais ça ajoute du Texas Straight Bourbon Whiskey, donc du whisky bourbon straight du Texas, de la distillerie Garrison Brothers. On peut en commander une demi-douzaine ou une douzaine au complet pour 8$ à partir de 8$, donc j'imagine que 8$ c'est pour la demi-douzaine, hein, environ? Sûrement. Ça a l'air tellement bon. Garrison Brothers Distillery. Wow. Il faut automatiquement que tu aimes le whisky. Oui. Exactement. Et l'adresse pour aller retrouver ça est sur assemblagerequis.com, mais j'imagine que ça ne doit pas goûter tant que ça. Ça doit goûter le whisky, c'est sûr que oui, mais ça ne doit pas te saouler non plus. Ça doit être quand même assez... vu que c'est combiné avec du chocolat, ça doit être très, très excellent. Très excellent. Ensuite, une nouvelle qui peut-être va nous rejoindre un petit peu plus ici au Québec, éventuellement, parce que c'est un autre produit de Reese's. Et tout ce qui a été fait par Reese's dans la mémoire récente a été amené au Québec. Qu'on parle des bâtonnets Reese's Sticks, les Reese's plus épais, les Big Cups, les gros Reese's là, en grosse pizza qu'il fallait couper avec un couteau. Tout est venu ici. Les Reese's Pieces aussi. Donc voici maintenant les Reese's Peanut Butter Cups with filled with pieces. Donc c'est des Reese's Peanut Butter Cups, c'est des petits moules au beurre de peanut et au chocolat. Et à l'intérieur, des Reese's Pieces miniatures dans le beurre de peanut. Hum! Ça a pas l'air génial, ça? Ça a l'air vraiment bon. Et en plus, ils ont fait non seulement le régulier Reese's Peanut Butter Cups filled with pieces, mais ils ont aussi fait le Reese's Big Cup filled with pieces. Donc c'est les gros moules, ceux qui en ont juste deux par emballage. Et dedans, il y a aussi des pieces. Donc vous avez le choix entre le petit et le grand Peanut Butter Cups. Ce qui est drôle, c'est qu'aux États-Unis, on voit beaucoup plus les Reese's en emballage de 2. Alors qu'au Canada, moi, j'ai seulement vu les emballages de 3 et plus. J'ai jamais vu d'emballage de 2, donc je sais pas si c'est une loi aux États-Unis pour ou peut-être que ça se vend mieux parce que les gens ont plus bonne conscience distancée, je sais pas. Mais je trouve ça quand même spécial de voir que les emballages de 2. Maintenant, un nouveau float, comment est-ce qu'on appelle ça en français? Une flottille. Une bouée? Non. C'est comme une liqueur avec de la crème glacée à la vanille dessus. Un flotteur. Un flotteur, voilà, c'est tout simple. Pourquoi chercher plus loin? Donc, une nouvelle ligne de flotteur chez Taco Bell aux États-Unis, c'est le Orange Crush Vanilla Float Freeze. Mm. C'est pas encore sur leur site web, mais on parle sur le blog GrubGrade que Taco Bell en Ohio offrait ça. C'est donc un flotteur fait avec de l'Orange Crush, donc de l'orangeade, et de la vanille, crème glacée à la vanille sur le dessus. Ça goûte pareil comme un creamsicle. Et tu sais, si tu m'as déjà entendu parler dans la vie, que creamsicle, c'est une de mes choses préférées dans la vie. Oui. J'adore l'alcool aussi, creamsicle, le petit cocktail qui goûte comme ça. Oui, c'est vrai. J'adore tout ce qui est creamsicle, donc pour vrai, c'est le genre de choses que j'aimerais et qu'on peut se faire tellement facilement à la maison avec de l'orange croche et de la crème glacée. Ensuite, nouveau produit 2016 pour Kellogg's, entre autres des Cheez-It Sandwich Crackers avec des nouvelles saveurs. T'as sûrement déjà vu chez Ritz, la même chose, exactement la même chose. Par Ritz au Canada, on avait des... c'est comme une grande plaquette de Ritz avec à l'intérieur du fromage comment dire, le fromage de vraiment pas bon là, Cheese Whiz. Il y en avait aussi au beurre de peanut. Oui. Donc aux États-Unis, l'équivalent de Ritz, c'est Cheez-It. Et ils ont une nouvelle version au Spicy Kefir. Donc fromage épicé. Ça a vraiment bon. Il y a aussi le Cheez-It Sandwich Cracker et t'as le Special K Crustless Quiches. Donc des quiches sans croûte au spécial K. Donc c'est des spéciales. Oui, c'est ça, c'est une. Ouais, j'étais pas sûr que c'était des spécial K à saveur de quiche. Ça aurait eu l'air vraiment bizarre. Je préfère les quiches à saveur de spécial K. Portobello, quinoa, parmesan, asiago et chou frisé. Je sais pas, une quiche spécial K. Ils se lancent dans beaucoup de sortes de produits. Hein. Pas sûr. Bref. Continuons avec McDonald's maintenant qui teste des boulettes de viande de bœuf mais fraîches au lieu d'être congelées. Ah, OK. Tu sais, chez McDonald's, tout est congelé. Oui, en effet. Donc maintenant, ils s'inspirent un petit peu de chez Wendy's et In-N-Out aux États-Unis pour améliorer leur offre de hamburger en utilisant des boulettes fraîchement faites. On teste le changement dans 14 de McDonald's près de Dallas depuis le mois de novembre, selon NRN. Apparemment, les boulettes sont aussi cuites sur commande à la place d'être gardées dans un réchaud. Donc, c'est plus long comme de te faire servir, mais quand même. Le test est limité pour l'instant au quart de livre. Mm-hmm. Hey, j'ai déjà parlé de ça. Toi, là. Ouais. Mettons, là, je te dis, il y a un quart de livre de disponible puis un tiers de livre. Ouais. Mettons. Qu'est-ce que tu ferais, mettons? Il y en a qui, tu sais, mettons, pour à peu près... un petit peu plus cher le tiers de livre, mettons. Tu ferais quoi? Tu prendrais-tu le quart de livre? Le tiers de livre, mettons. Ben, je pense que ça dépend de ta faim, là. Moi, je serais du genre à prendre le quart de livre. Ouais. Parce que je trouve ça en masse. Mais tu serais pas le genre à dire, genre, ben là, je vais prendre le quart de livre parce qu'il y en a plus dedans. Ben, il n'y en a pas plus dedans. Ben, je sais. Mais les Américains pensent ça. Il y a un sondage qui est sorti dans un article à un moment donné que j'ai pas devant moi, mais qui disait que les gens prenaient le quart de livre parce qu'ils pensaient qu'il y en avait plus que dans un tiers de livre. Es-tu allé au motherfucking secondaire? Non, mais sérieusement, là. Ben, moi, je pense qu'il y en a plus dans le tiers, là. Ben oui, mais il y en a plus dans le tiers. Voilà. Littéralement, un tiers, c'est plus qu'un quart. Un quart, si tu vises quelque chose dans le quart, c'est des plus petites parties qu'un tiers. Ça. Plus... Voilà. Ça me fait capoter des nouvelles de même. J'avais lu ça l'autre fois, puis il fallait que je le partage. Mais ben, ils n'ont pas de tiers. Ils ont-tu des tiers de livres? Il y a des tiers de livres chez McDo dans des fois. Ah ouais? Ouais. Ah, OK. Mais c'est ça. Les gens prenaient le quart de livre parce qu'ils pensaient qu'il y en avait plus parce que 4, c'était en haut de 3. Oh mon Dieu. Boy. Ça fait dur. Ouais, les mais tu sais, ouais, c'est ça. C'est ça. On passe chez Ben & Jerry's maintenant. Il fallait que j'en parle. Chez Ben & Jerry's, on amène. Et ça, c'est vraiment cool. C'est des, ça s'appelle les Flavor Flips. OK. Ils prennent les saveurs classiques, signature de Ben & Jerry's, et ils les virent à l'envers. OK. Ah. Donc, c'est pour un temps limité chez Ben & Jerry's dans leur boutique, leur magasin, et non pas en pot. Donc, les nouvelles saveurs s'en viennent en phase. Pour commencer, il y a Totally Baked. C'est comme si tu connais Ben & Jerry's dans les dépanneurs, dans les épiceries, il y a la formule Half Baked. Qui est leur plus populaire saveur, c'est chocolat et vanille avec des morceaux de fudge, mm-hmm. de brownies au fudge. Donc, c'est. Non, pardon. Est-ce que c'est. Non, je pense que Half Baked, c'est. Attends un peu, il y a quelque chose d'autre. Je vais aller voir, deux secondes. Ben & Jerry's, Half Baked, c'est crème glacée, chocolat et vanille mélangé avec des brownies au fudge et des morceaux de pâte à biscuits au chocolat. Ah okay. Oui, c'est ça, parce que les brownies sont cuits, mais pas la pâte à biscuits. C'est ça, c'est pour ça que ça s'appelle Half Baked, donc à moitié cuit. Mm-hmm. Alors que là, Totally Baked, c'est qu'à la place, ils ont mis des morceaux de biscuits complètement cuits dedans. OK. Ça te touche pas, ça t'attire pas? Ça t'attire pas? Non? Non, pas vraiment. OK. Bon, OK. Sinon, le numéro 2 n'est pas encore sorti. J'imagine que dans les prochaines semaines, on va pouvoir le savoir. Il y a des petits poèmes qui font deviner aux gens qu'est-ce que c'est les saveurs, mais j'ai pas envie de les traduire. On va se tenir au courant des saveurs 2 et 3. C'est mais bon c'est qu'ils prennent quelque chose dans la saveur d'origine et ils viennent. Un peu comme Cherry Garcia. Tu sais, Cherry Garcia, c'est... Cherry Garcia, c'est une de leurs autres plus populaires. On l'a ici. C'est long. C'est trop long. Malaise. Okay. Cherry, c'est de la crème glacée à la cerise avec des flocons de fudge et des cerises. Ça, c'est Cherry Garcia. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'améliorer? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont mettre plus de cerises? Est-ce qu'ils vont mettre des cerises enrobées de chocolat dedans? Est-ce qu'ils vont mettre des morceaux de fudge, mais des fudge au caramel? Est-ce qu'ils vont mettre des fudge au chocolat blanc? T'sais, ils vont faire une petite twist. Mm-hmm. C'est ça l'idée. Ensuite, ça c'est la nouvelle qui a fait parler tout le monde. J'imagine que TVA a dû en parler comme ça s'en venait parce qu'ils cherchent pas trop loin pour faire la nouvelle eux autres. Mais il y a un Burger King en Finlande qui contient un sauna. Ah ouais? Ouais. Donc ça veut dire qu'en quelque part dans le monde, tu peux manger ton Whopper, peut-être même ton hot dog au Whopper, en suant en même temps. En suant. C'est pas beau la vie. Et c'est pas un sauna normal en fait, c'est une célébrité finlandaise, un coiffeur, top model, designer et chanteur, Tuuvo Lohman. Qui s'est récemment placé en troisième place dans une compétition de nouveaux concepts de services alimentaires dans le monde. Donc, c'est un sauna à 15 personnes. Et puis, il y a des motifs Burger King un petit peu partout. Il y a une salle à lavage, un dressing room pour pouvoir te changer, des douches et un centre multimédia. Le sauna lui-même accommode 10 personnes. Donc, tantôt, ce que je parlais, 15 personnes, c'est pour l'environnement complet avec les salles de lavage et tout. Le spa peut contenir 10 personnes. Il y a une télé 48 pouces. Le salon de multimédia a une télé de 55 pouces à l'extérieur. Système de son, PlayStation 4. On peut aussi placer une commande à la place d'avoir à quitter pour aller dans la place restaurant. On peut aussi commander directement dans le sauna. On peut le louer pour 282$ US pour 3 heures. On peut booker ça en ligne. Waouh! C'est bien trop cher. Ah ouais. 282$ US. C'est beaucoup? Pour 3 heures. C'est ouvert depuis novembre de l'année passée, donc la nouvelle sort là, je sais pas trop pourquoi. On dit aussi que les saunas sont très populaires en Finlande, il y en a partout. En moyenne, il y a un sauna par maison. Pour vrai, il y a en moyenne un sauna par maisonnée. C'est incroyable. Wow. C'est aussi des places où les gens se rassemblent et relaxent. Donc, un restaurant Burger King est, dans le fond, si on y pense, pas super surprenant pour eux. Ensuite, Jack in the Box nous suggère des hacks de menu pour leur menu de fin de soirée. Jack in the Box est un genre de restaurant de fast-food, tout ce qu'il y a de plus classique, mais ils sont connus, un peu comme ici au Canada, on a Harvey's qui est connu pour ses fridelles, où on mélange une rondelle d'oignon et une frite, tu connais ça? Hein? Mm-hmm. Ouais. Aux États-Unis, chez Jack in the Box, eux, ils mélangent frites et frites torsadées. OK. C'est leur combo, c'est ce qu'ils ont de ce qui les rend populaires. Non, ça s'appelle comment est-ce que ça s'appelle ces affaires-là? C'est des Comment ça s'appelle? Voyons non. Les Half Seas, je pense. Ça s'appelle les Half Seas. Ah ouais? Ouais. Donc, bref, sur leur menu, Late Night Jack Hacks. Voilà. Donc, on suggère le Fry Dip. C'est de prendre des frites ou des frites torsadées assaisonnées. Ouais, je connais ça. T'as vu ça, hein? T'as-tu déjà vu ça? J'ai déjà vu ça dans un film. Ça, apparemment, c'est quand même assez populaire. Donc, c'est de tremper ces frites-là dans leur petit Oreo Cookie Shake. Exactement. C'est un shake au Oreo. Donc, tu trempes tes frites. Là-dedans, ça donne un genre de mélange sucré-salé. Moi, je trouve que ça m'écœure. Je trouve que ça fait femme enceinte. C'est vrai, tout à fait. Tu sais, le mélange, là. Cornichon, crème glacée. Exactement, ça fait comme cornichon, crème glacée. C'est vraiment mais ça. Mais qu'est-ce que tu fais à mettre tes frites dans ton milkshake? Mais en même temps, j'en veux. C'est ça. Non, pas moi. Moi, j'en veux vraiment beaucoup. C'est dans Grease qu'ils faisaient ça, pour si vrai? Je me souviens bien. L'original? Oui, oh, l'original. Ouais. Cool. D'accord, ouais. Là, ça me donne encore plus envie de voir l'original. J'ai seulement vu le remake de l'année passée. Ou cette année. Put a ring on it est la prochaine recette. C'est des rondelles d'oignon au panko avec du fromage nacho par-dessus. Ça leur coûte ça aussi. Ils suggèrent aussi de mettre de la vinaigrette ranch et de la sauce ranch et du bacon sur le dessus. Ensuite, t'as le caramel horrific. C'est des bouchées de pommes. Ils offrent ça en collation, pareil comme chez McDo, des bouchées de pommes trempées dans de la sauce caramel et dans. Tu bois en même temps un café, un caramel iced coffee, un café glacé au caramel. Donc ça se mélange bien ensemble. Et t'as le breakfast for dinner qui est des mini crêpes de chez Jack in the Box avec un petit soupçon de shake à la fraise dessus. Hmm. Ça a l'air vraiment tout bon tout ça. Des recettes de Jack in the Box. Ensuite, les travailleurs chez Domino's, des employés, sont venus à la rescousse d'un client après avoir remarqué qu'il n'avait pas commandé de pizza récemment. Oh! Maintenir une bonne relation avec vos clients loyaux, c'est toujours quand même important pour les compagnies qui prennent leurs clients pour des personnes et non pas pour acquis. Hein. Donc, les employés chez Domino commençaient à stresser récemment parce qu'ils n'avaient pas reçu une commande depuis 11 jours d'un de leurs clients réguliers. Ils commandaient à cet endroit-là depuis 2009, selon le gérant de la place. Ils commandaient à chaque jour ou à chaque deux jours. Sa commande popait à l'écran parce qu'ils commandaient toujours en ligne. Ils commandaient pas au téléphone, donc ils voyaient leur nom sur l'écran tout le temps au jour ou aux deux jours. Donc, ils voyaient tout le temps « Hey, tu sais, c'est la commande de Kirk ». Après avoir réalisé qu'il y avait eu 11 jours sans commande, le gérant a envoyé un livreur de pizza à la maison pour voir s'il allait bien, voir s'il y avait des problèmes de santé. Lorsqu'il est arrivé, le livreur, il a vu des lumières et il a entendu la télé, mais il n'y a personne qui répondait à la porte et le téléphone allait directement à la boîte vocale. Il a appelé à l'aide, les paramédicaux sont arrivés, ils ont trouvé le client par terre. Il aurait eu une crise cardiaque, on ne sait pas quand il a été affecté. Le gérant dit qu'il a visité à l'hôpital et même s'il n'a pas parlé beaucoup, il a quand même souri. Il a dit le livreur que c'était un client important qui faisait partie de la famille chez Domino's. C'est pas la première fois qu'on sauve quelqu'un. Il y avait eu en 2011 un livreur de Domino's qui avait été voir une personne âgée à Memphis au Tennessee qui avait pas appelé depuis plusieurs jours. Donc quand même la compagnie prend vraiment ses clients. Je sais pas si c'est parce que la compagnie coach bien ses employés, mais la plupart des employés de fast-food se foutent complètement de toi. On va se le dire. Donc c'est beau à voir quand même. Ensuite, je vais y aller avec quelque chose d'une expérience personnelle de moi-même cette semaine. J'ai raconté une tranche de vie précédemment dans l'émission et j'en ai une autre à compter là. J'ai payé pour l'application Waterminder parce qu'avec mon amie Jessica... c'est Jessica? Ouais, c'est ça. Amie. Ouais, hein? À sens. Oui, oui. Oui. Donc, il y a une application qui s'appelle Waterminder. OK. Je lui ai conseillé, elle l'a aussi acheté, elle s'en sert et ça fonctionne super bien. Dans le fond, c'est que c'est une application pour te dire de boire plus souvent. Okay? Ah oui, ben oui, je connais ça. Mais c'est vraiment une très très bonne façon, cette application-là, je t'explique. T'as un portrait de toi, tu marques ta grandeur, OK? Oui. Et ça va te donner une petite forme humaine, garçon ou fille. Il n'y a pas de neutre là-dedans encore, mais ça va venir. Okay. Et tu vas dire ta quantité d'eau. Dans le fond, ça va te dire la quantité d'eau que tu as besoin. Donc moi, maintenant, j'ai marqué 6 pieds 2. J'ai besoin, en théorie, de 2000 millilitres, donc de 2 litres d'eau par jour. Ce qui est pour moi l'équivalent, j'ai des gros verres à la maison, c'est l'équivalent de seulement 4 verres. C'est vraiment pas tant que ça. Ah, c'est pas beaucoup? Je réalise que j'étais déjà dans mon objectif. Mm-hmm. C'est ce qui est le fun parce que ça dit la vérité. Ça. Et ce qui est le fun, c'est qu'à chaque portion de quelques temps, ça, des fois ça va être aux heures, des fois ça va être aux 2 heures, dépendant de comment t'as bu d'eau jusqu'à maintenant. Ça va te dire, ça va t'envoyer un petit reminder, soit sur ta montre, soit sur ton téléphone, c'est l'heure de boire de l'eau. Et la phrase change tout le temps et c'est pas gossant parce qu'il te le fait pas. Si tu décides de pas boire d'eau, il va pas t'achaler plusieurs fois. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est cool. Et il apparaît un petit widget dans le centre de notification avec directement les verres d'eau. Donc, tu as 250 ml, 350 et 500 ml et tu peux directement dans le notification center dire que tu as pris un verre. d'eau. Mais faut pas que tu triches. Faut pas que tu triches. Et moi, je préfère le faire une fois que le verre est fini et non pas quand je commence, parce que des fois, il y a des verres que je finis pas, quand, entre autres quand je me couche. Donc, quand je finis le verre d'eau, clique sur le bouton et je vais m'en chercher un autre automatiquement, aussitôt que la prochaine sonnerie sonne. Et à date, y a en plus, c'est vraiment récompensant parce qu'à chaque fois, il te donne des récompenses. Donc, si il va te donner des médailles. Mettons, t'as rempli ta première journée à 100%, t'as atteint 5 jours de suite, t'as atteint 21 jours de suite, etc. Donc, ça encourage à boire plus d'eau. C'est genre 3,50$, si je me rappelle bien, le prix. Jessica était comme, ben voyons, non, on met trop cher, 3,50$. Ouais, mais c'est le prix d'un café chez Starbucks. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tant que tel. Ouais, exactement. De nos jours, les gens qui chialent pour une pièce, deux pièces, trois pièces d'application, puis après ça, ils vont chercher un café à 2,75$ pour un venti, caramel salé. À un moment donné, il y en a plus Starbucks, t'sais. C'est vrai, c'est vrai. J'ai plus Starbucks. Je suis triste, par exemple. Je suis vraiment triste. Et pour terminer, tiens, un bar en Californie utilise un prix dynamique pour vendre des shooters de tequila. On associe souvent les prix dynamiques à peut-être... Il y a, je crois, Uber qui a commencé ça à un moment donné aux États-Unis où les périodes plus creuses coûtaient plus cher, moins cher, les périodes plus intenses coûtaient plus cher aussi. Mm-hmm. Il y a aussi des machines distributrices de Coca-Cola à un moment donné où quand il faisait plus soleil, ça coûtait plus cher. Puis quand il faisait moins beau, ça coûtait moins cher. Donc, c'est bizarre. Il y a ça pour les parcs d'amusement. Il y en a pour plein d'autres catégories. Et bien maintenant, il y a un bar nommé The Blind Burro à San Diego, dont les prix de la tequila changent d'une minute à l'autre, selon Associated Press. Le bar utilise un logiciel d'une compagnie qui s'appelle The Drink Exchange, qui est au courant de ce que les acheteurs achètent. Et okay. va afficher les prix en train de changer de deux douzaines de marques de tequila sur les écrans de télé, sur le mur. Donc, par exemple, un soir, un shooter de Espolón Blanco pourrait coûter 7,75$ avant de descendre à 7,25$ quelques minutes plus tard, dépendant de la demande. Ah ouais! Fait que plus il y a de demande, moins c'est cher. Plus il y a de demande, d'après moi... Parce que s'il y a beaucoup de demande puis que ça coûte moins cher, il y en a plus qui vont en acheter. C'est une bonne question. Je me la demande vraiment beaucoup parce qu'en tant que tel, ce serait peut-être logique de faire le contraire. Ouais. Plus il y a de monde, plus tu payes parce que c'est l'offre et la demande. C'est un peu, je sais pas. Je sais pas, hein? C'est une bonne question, puis ça le dit pas dans l'article. Ça dépend de la stratégie marketing. Voilà, c'est toi qui étudie en marketing, c'est à toi de me le dire. Et là là. Hey boy, t'as lâché ton cours pour séparer, toi? C'est ça? Hey boy! Oups. Oui, bon, sur ce, next! On vient d'entendre que t'es gay! Éric Salvaire! Non, bref. C'est une gag de Martin, à ton avis. T'as pas le droit de dire ça, là. C'est la journée internationale des homosexuels et des transgenres. J'ai super liké tantôt le statut de ça. Terrible, tu viens de coller ça en onde. Mais je trouvais que c'était trop facile et trop parfait. C'était vraiment bien placé. Merci Tania. Ça fait plaisir. Yeah. Il va nous rester, je pense, un petit peu de temps à peine pour venir conclure l'émission dans quelques minutes, mais pour l'instant, voici une nouvelle entrée du palmarès francophone par Mathieu Bérubé. C'est Cimetière à Assemblage Rock. Tout ce qui a un peu de bon sens se détend. terre que l'amour va pelleter les déboires d'une bouffée d'air que la lumière n'est jamais bien loin même en dessous de la terre. Mathieu Bellubé, la pièce Cimetière dans Assemblage requis. Il reste encore un petit peu de temps. Je réalise que finalement, on n'est pas pour finir ça à moins 10. Il nous reste mal de temps. Donc, allons-y avec un autre petit bloc d'une grosse pointe. Aldress. Alors, j'ai fermé mon intro. Attends un peu, vous allez la retrouver. Ah, où es-tu, Etro? Voilà, une grosse pointe Aldress ici. Ploup. Subtil, hein? C'est très, très subtil. Très subtil. Donc voilà, toujours dans une grosse pointe Aldress, allons-y avec un nouveau magasin Target à Manhattan qui va avoir un Chobani Yogurt Café. Ah ouais! À la place d'avoir un Starbucks. Hein? Donc c'est à Manhattan, dans le quartier Tribeca, où on va offrir quelque chose d'un petit peu plus classe dans le domaine des snack bars. Ils se sont assemblés, réunis avec Chobani. Ça, c'est la marque de yogourt, je crois que c'est grec. Il me semble que c'est yogourt grec, Chobani. Peut-être que non. Bref, oui, c'est ça, c'est yogourt grec signature. Et des ingrédients artisanaux faits, en tout cas, sélectionnés à la main. Ça va être pareil comme d'autres cafés, dans le sens qu'il va y avoir aussi de la soupe, des sandwichs, des desserts, des boissons de café. Tout ne contiendra pas nécessairement du yogourt, mais... Donc c'est ça, ça pourrait être bon. Pourquoi pas un Target avec du yogourt? Why not? Why not peanut? Ensuite, tiens, un petit conseil. Comment manger quand tu n'as pas beaucoup d'argent? Ben voyons Mathieu, on dirait que tu as fait des recherches. Je sais pas de quoi tu parles. Donc si tu manques d'argent, mettons, tu manges d'argent, ouais, c'est ça? Ouais, tu manges de l'argent, ouais. C'est pour ça que j'en ai plus. Donc, tu veux bien manger quand même. Commençons le petit palmarès. La liste, premièrement, en faisant manger vous-même. Hein. C'est évidemment le conseil le plus important. Exactement. Si on veut manger avec un budget. Donc, manger de façon nutritive dans un restaurant, c'est un petit peu difficile. Donc, on apprend la base au moins. On essaie de sauver sur les calories et sur l'argent. Je pense que c'est un bon conseil pour commencer. Ensuite de ça, deuxième conseil, c'est d'utiliser des légumes congelés. C'est peut-être pas le meilleur choix pour l'environnement, mais lorsque vous êtes stressé financièrement, c'est très bien pour une famille qui est sur un budget, ou en tout cas une personne seule et célibataire comme moi. Les légumes congelés, ça se garde très très longtemps, et si on les garde correctement dans le congélateur, on peut même dépasser la date de péremption de 8 mois environ. On saute les entrées qui sont déjà faites, quelque chose qui était pré-touché par un chef ou pré-emballé, etc. Ouais. Va être plus cher à acheter. Donc que ce soit des laitues pré-coupées dans un sac ou des repas de restaurant avec une marque dessus. Donc on achète à la place des ingrédients crus et on se les fait soi-même pour sauver beaucoup d'argent, économiser de l'argent. On laisse tomber les affaires qui sont congelées aussi parce que ça contient beaucoup de sodium, de sucre et d'autres trucs pas bons. Ensuite, on dit de cuisiner du riz, des légumes et des protéines. Donc, quand vous avez des doutes, essayez cette recette du riz brun avec des légumes sautés et une protéine. On dit que c'est les repas les plus faciles à faire, les plus santé, et ça va vous faire survivre à des périodes difficiles pas mal mieux que juste des pâtes au beurre. Hein? Pas trop cher. Ensuite, on dit aussi de faire de sauter des oignons, des épinards et des brocolis avec du poulet ou du teuf. Restez dans les périmètres du magasin, parce que le milieu de l'épicerie, c'est ce qui coûte le plus cher et ce qui est le moins nutritif. Donc les coins, les côtés, les murs extérieurs contiennent les protéines, légumes, fruits et pain. T'as remarqué tout le temps les produits comme le pain, les produits laitiers, oui, etc. Tout le temps sur les murs. Donc elle est pas dans le milieu où là c'est la liqueur, l'alcool, les chips, le beurre, peu importe. Donc allez-y sur les côtés pour commencer. Faites-vous un plan et gardez-le. Donc, créez des plans de repas et suivre la liste. Entre autres, suivre la liste de commissions pour être sûr de ne pas acheter d'autres choses que ce qui est sur la liste. C'est ce qui fait qu'on paye beaucoup plus cher. Et il y a même sur le site du gouvernement américain, dans ce cas-ci, un plan d'alimentation et des recettes faciles pour les gens qui ont un budget très très réduit. Allez voir ça. Je sais pas s'il y a un équivalent au Canada, mais on s'en fout parce que là on a la ressource américaine, puis c'est tout le temps mieux parce qu'on fait rien que les copier de toute façon. Hein? On va se le dire. Bien souvent. Ah, c'est du Canada bashing, mais quand même. Et un dernier conseil, de vous inscrire pour les cartes récompenses. C'est le magasin dans des ben chaînes, oui. Ouais, comme Métro. Moi, c'est ce que je fais, même s'il y a Eric Salvaille. Puis à un moment donné, on est à... Comme ça va faire, Eric Salvaille. Hein? Mais bref, Métro a une carte récompense et je viens de recevoir lundi passé, je te jure, lundi passé, je m'en vais à l'épicerie, OK? Mm-hmm. Ou peu importe, en début de semaine passée, j'arrive à l'épicerie, je paye ma grosse épicerie, genre de mettons, la grosse épicerie pour moi en ce moment, c'est genre 40$. Ouais, c'est ça. Genre. Puis, je reviens à la maison, puis j'avais oublié que j'avais un chèque de 8$ de Métro dans ma poche. Parce que plus tu dépenses chez Métro, plus tu reçois de l'argent oui, en retour. Oui, oui, oui, ben oui, c'est vrai. J'aurais pu sauver, tu sais, quand même. Ça m'apprendra. Bref, inscrivez-vous pour ça. Il y a plein d'offres promotionnelles parce qu'ils veulent vous garder comme client. Donc, ce serait le dernier conseil pour les gens qui sont pauvres. C'est cool, hein? Ben oui. Ensuite, Cadillac va ouvrir un café, lui aussi, pour attirer les milléniaux, les jeunes. Là, ça me parle. Ça te parle quand ça parle de char. Donc, les gens sont intéressés par les voitures depuis toujours. Oui. Ils sont intéressés par le café. Oui. Hein? Donc, Cadillac House va être un espace café, vente, art, galerie d'art et un paquet d'affaires comme ça, ce qui va ouvrir en juin à Manhattan. Cadillac House va avoir un café très luxueux, des toiles choisies par des gens derrière le magazine Visionnaire. Et puis ils vont avoir une rotation aussi d'articles de mode oh à ouais. vendre là-bas. Rotating Fashion Retail Offerings. C'est ce que je pense que ça va être des vêtements. Donc l'espace va être au premier étage des bureaux de la compagnie au 330 Hudson Avenue à Manhattan, là où ils ont déménagé de Détroit il y a quelques années. Puis c'est ça. Ils veulent qu'on associe la marque au grand luxe et au plaisir de la vie. Il n'y aura pas de voiture dans cet espace-là, sauf peut-être quelques Cadillac vintage assises là, juste comme pour les regarder. Ce ne sera pas un endroit pour acheter des Cadillacs, ça va être un endroit pour parler de Cadillac, vivre l'expérience de Cadillac. Hein? Quelle bonne idée. Quelle excellente idée. Ensuite, Joe's Crab Shack élimine sa politique sur les pourboires. 6 mois après avoir essayé, on fait un test. C'était à l'échelle nationale aux États-Unis. Il avait testé une politique pas de type. Donc, Joe's Crab Shack okay. Annule cette idée-là, sauf dans 4 des 18 restaurants participants. Donc, dans le reste, ils vont annuler ça. Bob Merritt, le nouveau président directeur général CEO de Ignite Restaurant Group, a annoncé le changement plutôt ce mois-ci. Le programme a perdu en moyenne 8 à 10% de ses clients pendant les tests. La recherche leur a appris que 60% des gens n'aimaient pas la nouvelle politique parce que ça leur enlevait aux employés une raison de bien faire leur service. Dans le fond, c'est que les prix étaient augmentés à la longueur du menu, à la largeur du menu, mais les employés n'étaient pas obligés de se forcer autant parce que les tips étaient inclus dans les prix. Donc, le test a commencé en août 2015. Les restaurants ont compensé en augmentant leurs prix et en augmentant les salaires à 14$ de l'heure basé sur leur expérience passée pour générer des revenus qui vont être perdus avec les nouveaux salaires. La compagnie dit qu'ils vont baisser, oui. Présentement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rebaisser les prix de 12 à 15% pour que les gens recommencent à donner des disciples. Voilà. Donc, c'est chez Joe's Crab Shack aux États-Unis. Ce n'est pas un succès. C'est pas dans notre culture en Amérique du Nord de ne pas tiper. Non, c'est vrai. C'est ça. On est habitué de tiper. Alors que dans d'autres pays, les prix sont toujours incluent toujours le type dans certains pays. Voilà, c'est tout pour une grosse pétale d'adresse. On a fait beaucoup de nouvelles. On a fait 2 blocs, mais c'est assez. L'émission se termine là-dessus. Merci d'avoir été à l'écoute. Ben oui. Bien sûr. Merci Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Blanc. On va se retrouver la semaine prochaine, toujours en direct, les mardis, entre 14h et 17h. Après nous, à 19h, c'est Réanimation. On repasse les samedis à midi. Après nous, c'est Sky Panka. Et finalement, les dimanches, entre 9h et midi. Après nous, c'est Dépendant de la semaine, du baseball ou la sécheuse. C'est pour ça que le dimanche est complètement dénudé d'émissions en après-midi. Allez voir le site CFR pour la programmation complète. Évidemment, notre programmation, encore une fois, le baseball commence jeudi, le 19 mai. Des 18h55. 18h55, voilà. Pour l'avant-match, le pré-match. Donc, ça va être tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, sauf certains jours. On couvre les matchs locaux et les matchs à Québec. Exactement. Mais pas les matchs à l'étranger, ailleurs. Donc, voilà, c'est fou.ca, lesectr.com. Sinon, ben, Colin, c'est une belle émission. Ça a passé vraiment vite aujourd'hui. Ça a passé vraiment vite. C'est vrai, t'as bien raison. C'est l'émission qui a passé le plus vite jusqu'à maintenant, je pense. Jusqu'à maintenant. Ouais. Depuis la saison estivale, t'as bien raison. Pas mal vrai. Il nous reste une journée de 30aine de secondes. Fait que la semaine prochaine, t'as aussi demain. Oui, demain. En plus, avec Tania Baudin, dès 14h, sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Puis par la suite, c'est ton émission, le Mathieu Plante Show. Et voilà, le Mathieu Plante Show à partir de 15h jusqu'à 17h. C'est demain, mercredi. Voilà, on se quitte là-dessus. Puis bonne semaine. Bye! Bye!